Attendez, attendez. D'après le Républicain d'Orléans, les astronomes viennent de découvrir sur la Lune des montagnes de goldium. De l'or, pour parler vulgairement. Oui. Chaque jour, on vous sort du nouveau, comme s'il n'y avait pas assez de tous ces électrons qu'il a fallu s'introduire dans le citron. L'homme le plus intelligent... Bien qu'officier presque supérieur, je ne parle pas forcément de moi noté. Ah, mais vous... L'homme le plus intelligent... Capitaine, vous dînez avec nous. Oh, ce serait avec le plus grand plaisir, chère madame, mais vraiment, vraiment, je craindrais d'abuser. Mais non, mon vieux, mais non, entre nous, vous le savez, c'est tout à fait sans façon. Oh, laissez-vous faire, nous avons du homard nivernaise et du chevreuil cuit dans le Malaga. Hein? En présence de tels arguments... On se met à table dans 5 minutes, Blaise, chérie, sers l'apéritif. Vous voulez un vermouth, vodka, whisky? Whisky and what? L'homme le plus intelligent, je vous disais, comment voulez-vous qu'il se tienne au courant, ne serait-ce que de ce qui concerne l'espace? Dans de l'eau de Vichy, le whisky, je vous prie. Le vaste espace où monte la garde des ribambelles de soleil. Et autour de chaque soleil... Les planètes tournent en rond. Et d'un soleil à l'autre, vous avez quoi? Le néant, mon cher. Des milliards et des milliards de kilomètres sans un papillon, sans un rossignol. Et c'est là-dedans, c'est dans cet abîme affolant que nous envoyons nos fusées. Hey. Merci. Quand je regarde le dessin d'une fusée coupée en long, tout ce saint-frusquin de bazar, de boutons d'appareils, d'altomètres... D'altimètres. Ah, ma tête commence à bouillir. Moi, que mon vélomoteur, qui n'est qu'un vélomoteur, il suffit que sa dynamo bafouille pour que je me sente emprunté. Ah, mais vous n'appartenez pas au règne mécanique. Eh, voilà. Ben, les hommes de votre espèce... Si, représentent la raison antique et la civilité française. Alors, avec Madame de Sévigné pour mère et pour père Platon et aussi Jules César... Vous n'allez pas vous abrutir à mesurer la distance entre le Cap Carnaval et les fesses de la Lune, hein? Maintenant, si vous cherchez une amusette, une manie, la psychologie vous procure à peu de frais de quoi vous exciter l'esprit, hein? Vous dites la psychologie? Ah oui, tenez, dans ce domaine, vous avez par exemple l'effet Glapion. Ah oui, oui, oui, en effet, oui, l'effet Glapion. Ah, cet effet Glapion. Quand je pense à son rôle dans ma vie... Tout à fait entre nous, hein, je n'ai jamais réussi à savoir jusqu'au fond, jusqu'au trognon, ce que c'est l'effet Glapion. Je lève la main sur vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah, prenez garde, hein, en cas de gifle, je ne me laisserai point calopter, hein, l'amitié ne jouera plus, hein, d'autant plus que je suis en tenue. Mais doucement, je pourrais seulement vouloir de votre épaule militaire ôter un long cheveu de blonde ou encore faire signe à ma femme là-bas, derrière moi, donc attendez la fin de mon geste pour en connaître le sens. En concluant prématurément, vous risquez de vous tromper, vous seriez alors victime d'une illusion. Vous voyez, il y a 12 mois, jour pour jour, un dimanche, comme aujourd'hui, la princesse Augusta est venue à Orléans, vous vous rappelez? Si je me rappelle, 2000 gendarmes à loger, à nourrir, sans compter les hussards de la princesse. Eh bien, nous, ce dimanche, nous ne l'oublierons jamais. C'est alors que nous avons décidé de nous marier. D'ailleurs, ce soir, nous célébrons cet anniversaire, n'est-ce pas, chérie? Oui, mais cet effet Glapion, je m'excuse d'insister, docteur, où est-il en somme? Écoutez, je me tue à vous le démontrer. La vie est faite d'illusions. Oui, vous n'avez jamais eu le sentiment bouleversant d'être en train, soudain, de vivre ce que vous avez déjà vécu? Ah oui, ça m'est arrivé. Ah, et que de fois il nous advient de tomber au tournant d'une rue sur un ami qu'une seconde auparavant nous avons cru bel et bien voir sous les traits d'un inconnu. Eh bien, tenez, pas plus tard qu'avant-hier. Bon, eh bien, ces phénomènes qui confondent l'imaginaire et le réel. Ce glapionnage embrasse et recouvre la masse fantasmagorique et carnavalesque des pensées baroques qui travaillent chacun de nous, et plus spécialement, peut-être, une jeune femme, quand toute une longue journée de dimanche, elle reste seule au logis, en tête à tête avec son cerveau, ses nerfs, ses sens. N'est-ce pas, Monique ? Oui, tu as raison. Ce dimanche, ce fameux dimanche, chaque coup de sonnette faisait naître en moi une réminiscence spontanée, une illusion fugace, une aventure imaginaire. Eh bien, ces phénomènes qui mettent en cause le temps lui-même, creusez-les. Dans chacun d'eux, vous trouvez l'effet glapion. Nous sommes à Orléans, 83 000 habitants. Montant du massif central à la conquête de Paris, la Loire bute contre les murailles d'Orléans et se voit dès lors contrainte d'infléchir sa course vers l'Atlantique. Mais en ce moment, Orléans se réjouit pour une autre raison. C'est aujourd'hui, en effet, que la princesse Augusta de Lamerlingue, dans la gloire vivante de sa virginale jeunesse, visite Orléans. La ville déborde d'une allégresse qui frise la folie. Eh ben, c'est pas de la blague. Tiens, la fille de l'épicier, celle qu'on avait choisie pour faire Jeanne d'Arc dans le cortège, elle a tellement le trac qu'elle grelotte dans son armure. Hein, gli gli gli. Finalement, c'est son cousin qui la remplace, comme Pucelle. Enfin, il a les cheveux courts, c'est toujours ça. Hein. Oh, puis il y a des gens qui sont montés sur les branches des arbres pour ne rien manquer. La police les a fait descendre à coups de pierre. Qu'est-ce que tu veux ? La princesse Augusta de Lamerlingue, ici chez nous à Orléans. Il y a de quoi perdre la boule. Oh, tiens, sur elle, dans le dernier numéro, il y a tout, hein, ça tout. La princesse, ils en parlent pour un oui, pour un non, mais cette semaine, ils vont jusqu'au fond. Écoute, au plus dense de la futaie, qui prolonge la forêt primitive et médiévale, le château royal de Lamerlingue dresse ses façades d'un rococo tempéré par le béton armé. Dans l'aile qui regarde le Rhin, une tardive lumière désigne la chambre de la princesse Augusta. Dans le cadre rose et bleu de ses tendres années, la princesse vérifie les robes qu'elle compte mettre à Orléans. Là, pour la première fois depuis son retour d'Afrique où elle chasse à l'hippopotame et le lézard, l'héritière du plus ancien des trônes du vieux continent doit apparaître en public, passant de plein pied de l'un à l'autre des cinq idiomes qu'elle connaît, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien et le lamerlingois. La princesse adore foncer à 160 à l'heure entre la capitale et le château royal. Dans une fanfare de vitesse, son Altesse dépasse les motards chargés d'épousseter la chaussée devant sa Bugatti Grand Sport. Et hein, oh, d'ailleurs, elle a tout du sportif. Une salubre frénésie l'habite quand elle assiste aux courses chevalines, les jumelles vissées sur les zèbres de son écurie. Alors, indifférente à la pluie, à condition bien entendu qu'il pleuve, Augusta repousse d'un geste mutin les mains dévouées qui tendent un capuchon. Mais c'est à bord de son voilier qu'elle manifeste au plus haut degré l'énergie que lui léguèrent ses ancêtres, les pirates blonds. Aussi méprise-t-elle les embruns. Il faut la voir se lancer sur les mornes eaux du canal charbonnier. En quête non pas d'un dérivatif, mais d'un remède. D'un remède pour la blessure toujours humide de son cœur, cisaillée par le protocole. Inclinons-nous devant cette destinée féminine que sa grandeur condamne à n'être point comblée. Oh. Cette tragédie racinienne, écrite par Corneille avec la plume de Shakespeare trempée dans l'encre de Musset, se hante à travers les épaisses murailles du château royal. Bonjour, bonjour. Le docteur n'est pas là. Le docteur est à la chasse. Tiens. Je vous le certifie, il ne rentrera que demain. Je me berçais de tomber sur le docteur, mais le docteur, selon vos propres déclarations, n'étant point là, du coup, ma berceuse, adieu. Remarquez, qu'il soit à la chasse le docteur, le contraire m'aurait surpris. Je m'explique. La chasse, nous devions y aller ensemble avec d'autres copains, mais l'événement historique, l'emportant sur l'agrément particulier, un enfant à la mamelle saisirait de lui-même qu'à cause de tout ce bazar sur les bras, princesse et compagnie, je ne pouvais me carapater dans la nature. D'autant que le banditisme normal, aussi dépourvu d'élégance et de délicatesse que pétri de vices et d'astuces, n'autorise guère la maréchaussée à s'absorber tout entière dans les attentats politiques. Pour les prévenir, s'entend, les prévenir et les réprimer. En pleine avenue Jeanne d'Arc, à deux pas de chez vous, le fourgonnette de la compagnie du celluloïde fut attaqué ce matin par un malfaiteur armé. Ce salopard contraignit les occupants, ceux de la fourgonnette, à lui remettre 11 500 000 francs. 11 500 000 francs Le salaire du personnel, incroyable comme culot. Tout porte à croire que l'auteur du coup de main n'est autre que le fameux bandit toulonnais Gilly, dit l'intraitable. À Orléans, depuis hier, nous avons 2000 gendarmes, sans compter les hussards de la princesse. Il n'en opéra pas moins en plein centre, en plein jour. Ce Gilly, je le crois capable de tout, mais de tout. Oh, bah écoutez. Alors, votre patron n'est pas là. Qu'est-ce qu'on risque? Hein? Un petit baiser? Oh, vous ne m'objecterez tout de même pas que vous avez bu de la bière et que vous redoutez que la laine et le sang ressentent. Vous m'ennuyez. Ah, moi, ce serait bien la première fois. Écoutez, la princesse vous regarde. Elle descend de Charles Quint. Sérieuse, alors? Vis-à-vis de mon machin printanier, certes, je le déplore. Pour le docteur, duquel je me vante d'être l'ami, je m'en félicite. Oh, écoutez. Ne me reconduisez point, les lieux me sont familiers. Et puis... que vous soyez à cheval, comme on dit, cela nous crée une parenté. Eh oui, je relève comme tous les gendarmes de la direction de la cavalerie, si bien que vous me croirez, si vous voulez, en plus d'un vélomoteur, je touche des éperons. Blaise, j'ai peur. J'ai peur de ma solitude. J'ai peur que l'aile noire étouffe le fil bleu. Réponds. Hein? Réponds-moi. Réponds que tu es là. Le capitaine de gendarmerie vient de venir d'une solidité, d'une pesanteur. Il voulait profiter de votre absence car vous êtes à la chasse. Il faudrait que je m'y fasse. Vous ne rentrerez que demain. Vous m'avez dit, je prends la carabine à percuteur indépendant. Elle m'encombrera moins que le calibre long. En cette saison, le gibier se tire à bout portant. Quant à vous, ma petite, restez pas enfermée toute la journée. C'est ce que vous m'avez dit. Vos moindres phrases, je me détraque, je me tue à les ruminer. L'idiote. Je l'appelle Blaise. Rien que pour moi. Mais de lui, qu'est-ce que j'ai? Pas un signe, pas un regard, pas un contact, rien. Le vide. Le néant. Tiens, la radio, je crois toujours qu'il va s'en servir pour me consoler. Cette sale radio, ce que j'y gagne à l'écouter, c'est une crise de foi régulièrement. Ah oui, toutes ces histoires qui vous travaillent le cerveau. Oh, casserole va... Qu'est-ce que c'est? Un message de toi, Blaise, mon chéri. Ne pas oublier l'eau minérale. Ne pas oublier l'eau minérale. L'existence qu'est l'escroquerie. Ah, c'est ton écriture pourtant. Autoritaire pour sûr. Mais la douceur de ces courbes. Oh, leur douceur. Leur timidité. Ne pas oublier l'eau minérale. Hein, savoir ce qui serpente et brille là-dessous. Le langage des syllabes diffère de celui des mots. L'omi. L'omimi. L'ominé. L'ominéra. L'eau minérale. Ne pas oublier. N'oublie. Oh, ne pas oublier. Oh, comment veux-tu que je t'oublie, hein? Et toi? Et toi, comment pourrais-tu m'oublier? Oh, pardonne-moi d'avoir douté. Blaise. Chérie. Chérie! Vite, viens! Viens! Mais je suis là, mon chéri, calme-toi, qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai cru tout d'un coup que nous étions l'an dernier. Oh. Oh! Et regarde, je viens de développer le coiffeur. Tu vois, ces plages claires, là, signifient que les vertèbres cervicales se mettent à se déglinguer. D'ici quelques jours, le malheureux va crier par les oreilles. Demain, je le colle là-dessus et je lui tire un côtelette. Ah bon? Et ça, qui c'est? C'est la femme de la poste. À force de donner des coups de tampon, elle se luxe à l'atlas. Ici, l'atlas. D'où cette crampe qu'elle a dans les doigts. Nous la machinerons, elle aussi. Ça rend. Oh. Incroyable, cette table d'élongation, le boulot qu'elle fait. De Tours, d'Angers, de Poitiers, même de Chartres. Tous y rappliquent chez nous, tous, de La Rochelle à Châtellerault. Les premiers temps, pourtant, on manquait de culot, tu te souviens? Bah, que veux-tu, le temps de se mettre en branle, hein? En mouvement, les malades, qu'est-ce qu'ils demandent? Que tu les endormes, que tu les machines, que tu les tripouilles. Oh zut! Quoi? Oh zut et rezut, alors, toutes mes perles dans la soupe du poisson. Et Monique, tu m'écoutes? Je t'écoute toujours. Qu'est-ce que je viens de dire? Monique, tu m'écoutes? Oh, nouille, va. Elles auront fondu d'un tiers. Acheter de la saloperie, on y perd. N'empêche, j'y tiens. Ainsi, ce minable collier t'intéresse toujours quand tu as désormais tout ce que tu désires comme diamant? Ah, ce minable collier, il me relie à mon passé. Le passé fait cadeau du présent. Le présent fait passer le passé. Ah! Je la vois. Quoi? La dernière qui me manquait, regarde. Il tient la perle entre ses lèvres, sans l'avaler, sans la cracher. Ça comme numéro de cirque à retenir, hein? Mais oui, mon cheval rose à l'œil noir. Mais oui, tu le veux du bien, ta maîtresse, hein? Sans un morceau de moi pour t'énerver dessus, tu claquerais. Vous êtes un amour, mon amour. Nous allons faire un peu de manège, voulez-vous? Allez, hop là, hop, regarde, il tourne à mon commandement. Oui, chérie, veux-tu ranger la femme de la poste et le coiffeur, s'il te plaît? Séparément, hein? Ne les laisse pas l'un contre l'autre, ils seraient capables de s'anastomoser. Les classeurs débordent, nous finirons par avoir tous les départements. Oh, regarde. Quoi? La garde-meudon. Oh, ma cousine André. Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici, Monique? Écoute. Oh. Elle date de mon vieil appareil. Tu sais, celui des puces de la porte d'Italie. Il allait avec le collier. Je l'avais quand je suis venue à Orléans il y a un an. Je te proposais de monter une clinique d'intoxication. Divinement, hein? Ça marche divinement. Regardez, elle bascule. Elle bascule et elle circule. Nous sommes parés. Suivez-moi. Oui, docteur. Les clients, primo, je les radiographie. Hein? Ils ont leur squelette en 4 minutes. 4, hein? Aussi vite qu'un photomaton. Et qu'ils y mettent le prix, je les passe au spectroscope. Histoire de me régaler du feu d'artifice en couleur de leur profonde chimie cellulaire. Et ensuite, s'il y a lieu, je les étale là-dessus. La bonne femme pose sa tête ici, ses fesses là, dans les cavités. Pourquoi la bonne femme? Bah, la bonne femme ou le bonhomme, les deux sexes peuvent avoir mal dans le dos, non? Qu'est-ce qu'ils veulent, dites-moi? Que vous les plotiez, que vous les froufroutiez? Tiens, les dentistes l'ont compris. Ah ah, ceux-là, vous allez chez le dentiste, ni une ni deux, sans vous regarder, sans vous écouter, il vous ordonne de l'ouvrir. La bouche. Ah. Et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange pour vous amuser. Elle marche comment? Une sorbetière, une machine à laver, enfin, sur le secteur, quoi. Alors, une fois la bonne... La personne couchée bien à plat, je presse sur le bouton rouge. Autour du cou, du ventre, des bras, des pieds, les sangles automatiques s'ajustent sans le moindre bruit, façon tourne-disque. Je presse maintenant sur l'autre bouton. Le crème. Le crème, oui, que se passe-t-il? Les panneaux de la table s'écartent en coulissant, tout doux, tout doux. Tout doucement. Oui. De ce fait, les vertèbres vont ainsi se disjoignant petit à petit. 1 cm, 2 cm, 3, 3,2, 3,3. Et crac, libérant ainsi les filaments nerveux qu'elle coinçait. Et alors? Alors les réflexes redeviennent normaux normalement. Le rhumatisme détend la fond de train, Enfin, espérons-le. Remarquez que si le traitement mécanique échoue, rien ne m'interdit de recourir aux antiques recettes. La tisane, la moutarde, la flanelle. L'électrothérapie, parfaitement. Alors, le bonhomme, je lui balance une dérouillée bien juteuse, de quoi lui régulariser le sympathique, car à l'époque actuelle, le sympathique qui fait l'andouille, le mal souvent vient de là. Oui, mais alors dans ce cas, sur lequel vous pressez de boutons, docteur? Alors, c'est ici qu'entre en scène le circuit galvanique autonome. Et on le règle au moyen d'une manette spéciale, la clé de Courtade. La clé de qui? La clé de Courtade. C'est le nom du fabricant. Où est-ce que je l'ai foutu? Enfin, en tout cas, il faut prendre bien garde à ne pas mélanger les deux courants. Ah bon, hein. Qu'est-ce qui arriverait? Oh, du pas banal. Poursuit allongé par-ci, chatouillé par-là, la clientèle déménagerait, elle délirerait, elle sortirait d'elle-même. Elle verrait le monde avec étrangeté. Probablement. Faut pourtant que je la retrouve, ce bon sang de clé. Oh, tout va mal. Quand je pense que je me suis collé 9 millions de dettes sur les reins. Est-ce qu'on bouffera demain? La table nous fera manger. Pour le moment, elle dévore. Hein. Ma dernière monnaie fila dans le pourboire aux ouvriers qui l'ont installée. Saloperie, voilà. Ah, la brutalisez pas. Catastrophe! Enfin, oui ou non? Est-elle capable de guérir les malades? Ben, comment le savoir? On l'a livré hier. Guérir? Je ne suis pas guérisseur, moi, je suis médecin. Hein? Je sais pas, pourtant elle fait charlatan, hein. Docteur, écoutez-moi. Oui. Les malades sont indispensables. Oh là. Hein, vu tout ce que vous avez en souffrance comme facture, sans les malades, nous crèverions. Oui. Mais moi, vous savez ce que j'aimerais? Non. Devinez. Bah dites. Oh, devinez. Eh bah dites. J'aimerais que vous vous attaquiez à des gens qui se portent bien. Ah, bah, c'est génial, ça. Eh ben, ça peut être génial sans que ce soit idiot. Oh. Oh. Tenez, place de la Contrescarpe, j'avais une amie, Barbara. Sa mère revenait de l'Himalaya. Quand on lui demandait si elle était montée dessus, sur l'Himalaya, elle disait non. Eh ben, ça rendait davantage que s'il avait dit oui. Ouais, rendez-vous compte. Elle expliquait que juste à 40 mètres du sommet de l'Himalaya, 40, pas un de plus, pas un de moins, le mauvais temps l'avait forcé à redescendre. Elle, ses casseroles, sa guitare et sa pharmacie. À propos de quoi je vous raconte ça? Mais j'en sais rien, mais ne me cassez donc pas la tête! Oh là là, où est-ce que je l'ai foutu, ce bon sang de clé? Ah, ben j'y suis pour cette dame. Quelle dame? La maman de Barbara. Barbara? La dame de l'Himalaya. Oui. Himalayiste. Moi, mon Himalaya, mon dada du dedans, ce serait vos épines dorsales que vous les laissiez tomber. Pardon? Mais du point de vue médical. Attendez, je comprends pas là. Nous conserverions local, remarquez. Oui. Le local, les appareils. À la place, nous monterions une clinique d'intoxication. Une clinique d'intoxication? Qu'est-ce que c'est que cette couillonnade? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette couillonnade? Une lacune à combler, docteur. La fortune, en tout cas, garantie sur papier timbré. Les malades veulent guérir. Ah, bah, c'est leur affaire, ça. Hein? Des goûts et des couleurs. Oh. Mais les pas malades, les costauds, qu'est-ce qu'ils veulent? Le succès, le bonheur, le triomphe, l'Himalaya. D'ailleurs, tous au fond, hein, quoi dont nous excite, nous stimule, l'espoir de changer de peau. Bon, c'est même pour ça que les hommes et les femmes... Oui, hein, bon, bah, restons dans le cadre de la personnalité. Oui. Hein. Bon, bah, une charcutière, une boulangère, la première venue, elle se fourre dans le crâne de devenir, je ne sais pas moi, dramaturge, philosophe, critique d'art. Oh, ça s'est vu. Hein. Oui, oh, je sais bien. Bon, elle s'amène ici, à la clinique. Elle supplie pour que vous l'empoisonniez. Attention à ce que... Bon, que vous l'intoxiquiez, si vous préférez. Ah oui? Que vous l'intoxiquiez à la littérature. Bon, vous l'étendez sur cette mignonne. Tout en la rallongeant, vous lui commandez de se concentrer, de penser à Chateaubriand, Michelet, à qui encore déjà? Walter Scott, Agrippa d'Aubigné, les cracks, bref, les meilleurs. Pour qu'elle déraille à 100%, la cliente, vous lui lâchez le courant galvanique. Oh, la clé, je l'ai trouvée. La séance terminée, notre charcutière saute sur son bic, dans l'année, elle touche le Goncourt. Enfantin, ridicule, infantile, enfantin, pour qu'il marche, votre système. Il faudrait un minimum de rigueur scientifique, un minimum, tenez, pour rester dans... Votre hypothèse loufoque, supposons, hein, supposons que j'ai à traiter un homme mûr, la cinquantaine. Bon, lui, son penchant obnubilé, c'est l'athlétisme, le ring, le catch, le rugby. Eh bien, je n'hésite pas, je te lui place sur les fesses deux électrodes reliées au poste de radio de façon à lui seringuer dans la masse musculaire et en direct le compte rendu d'un match. Au besoin, j'intercale un amplificateur, hein, avec la rapidité de l'ouragan. L'avant centre droit, Kekalevski fonce. Il fonce comme s'il ignorait les maillots blancs, leurs embuscades, leurs cachotteries, tout en galopant. Kekalevski jongle avec le ballon, qu'il frappe alternativement du crâne et du talon. À 20 mètres des buts, Kekalevski tient la clé des événements. Il prend son temps. Adikako, Adipamatard, trop tard, les arrières surgissent. Ceux d'en face, deux grands formats d'un quart de tonne chacun, jusque-là dissimulés par les montants du portique. Que va-t-il se passer? L'angoisse s'apesantit. Kekalevski se décide enfin à shooter. Oui, il shoot un coup de canon. Le ballon étend l'un des arrières sur le terrain, ricoche sur l'autre arrière qu'il décapite à la volée et traverse le gardien de but par le milieu. De 40 000 poitrines s'élève un rugissement. Et notre cinquantenaire, il court se faire inscrire pour les Jeux Olympiques. La clinique, on la monte alors, d'accord? Assez. Je n'aime pas qu'on aille trop loin dans la foutaise. Hein. Bon, j'ai besoin de voir ce que ça donne, moi, tout ce fourbi, là. Chaque matin, deux doigts de fond de teint et tout ce bleu que je me colle autour des yeux et mes cheveux soyeux dont le programme change chaque lundi, tour à tour mauve, azur, orange, tout ça pourquoi, tout ça pour qui, tout ça pourquoi. Tout ça pour qui? Je n'ai pas d'homme à qui je donne sans rien garder. Mes jambes que je gaine de fil noir jusqu'à laine, mes doigts fardés, mon corsage en triangle, ma taille que j'étrangle dans un cornet à dés. Tout ça pourquoi? Tout ça pour qui? Tout ça pourquoi? Tout ça pour qui? Je n'ai pas d'homme. Je n'ai pas d'homme. Je n'ai pas d'homme. Cette radio-là, juste quand je suis en train de me battre avec le spectroscope, vous avez besoin de la mettre à fond. Oh, c'est pas la radio, c'est moi. Oui, vous m'avez flanqué une interférence dans le fémur droit. Vous alors, n'êtes pas sourd, bon, donc ne criez pas. Cessez de plaisanter, il est 2 heures. Supposez qu'une visite se présente. Un dimanche à Orléans, le jour où la princesse Augusta vient en chair et en os paraffer les accords financiers relatifs au grand marché particulier dans le cadre du petit marché commun. Bon, commun ou pas, les clients à partir de 2 heures sont ici chez mais eux. Vous m'expédiez si j'interprète correctement. Non, je vous rappelle que c'est l'heure où je reçois. Voulez-vous qu'elle aille? L'hirondelle m'a traqué. Oh. Dans votre chambre? Ma chambre. Ma cage, plutôt. Oh, j'ai dit votre chambre comme j'aurais dit la mienne. La vôtre, vraiment? Non, là, la vôtre, allez, dégagez, hein. Oh, j'y gratterai quoi dans cette chambre? Ah ben, vous dormirez. Oh, pour avoir des cauchemars, merci bien, tenez. L'autre nuit, je rêve. Je rêve que je suis chez le menuisier. Je viens chercher une chaise basse en paille dorée. Avec un dossier noir très haut, pour mettre dans l'entrée tout ce qu'il y a de chic. Alors, vous n'étiez pas chez le menuisier? Je n'étais pas chez le menuisier. Non, vous étiez chez l'ébéniste. Oula, la chaise était marquée 5000 francs quand je l'avais retenue 2 jours avant. Maintenant, attachée au dossier, une étiquette indique, devinez combien? 59 000. 1, 5, 1, 9 et 3 zéros. Moi, je lui demande ce que ça signifie. C'est que vous m'agacez, là. Il me dit que ça signifie 59 000. Enfin, il veut bien se montrer compréhensif. Il chavire le 9, la tête en bas. Ah, ben, ça fait plus que 56 000. Dégoûtant, hein? Dégoûtant. 56 000. Oui. Alors, vous n'étiez ni chez le menuisier, ni chez l'ébéniste, vous étiez chez l'antiquaire. Mais tenez, lisez, tapez dans la bibliothèque. Moi, les bouquins? La cervelle me chauffe rien que de les regarder. Ah. Du peuple en masse pour les écrire, les bouquins, pour les imprimer, pour les relier, pour les acheter. Comme corvée, hein, ça suffit. Mais laissez donc tomber, votre princesse. Je vous assure que dans les bouquins, il y a des trucs pas mal du tout. Hein. Mon œil. Ah, bah, ah. Bah, alors, le premier venu, je l'ouvre au hasard. Hein? Oui. Bon, en lassant la taille de Dominique, Claude lui plaqua sur la bouche un baiser qui sentait à ce point la sardine grillée que Dominique en conclut que Claude... Qu'en conclut que Claude. Clon, clon, clon, clon, clon. Et d'abord, où est le mâle, où est la femelle avec tous ses prénoms? Qu'en conclut que Claude n'avait point déjeuné place de la bourse, comme il l'avait prétendu, mais dans un restaurant du port. Ben, c'est rigolo. Répugnant. Bon, passons maintenant aux ouvrages de poids. Ah, oh, alors celui-là, faites-y bien attention, ne l'abîmez pas, j'y tiens beaucoup. Hein. Maurice Soudiard et Basile Tatas. Oui. Tatas. Tatas, un grec, comme Aristote, comme Platon. Manuel de psychologie appliquée. Bah, décidément, sans les manuels, les intellectuels s'en sortiraient pas. Hein. Enfin, toujours au hasard, page 43, l'effet Glapion. Ah. Allez-y, lisez. Bon. L'effet Glapion, décrit pour la première fois par le professeur Émile Glapion, consiste dans l'usufruit d'une donnée concrète objective par la logique visionnaire subjective. Du grec aussi, ça. Oh, ça vous va mal, ma petite, je vous assure. J'essayais de mettre en boîte le fondateur de toute la philosophie pathologique contemporaine. Le génie d'Émile Glapion élucida définitivement le mécanisme affectif de notre cérébralité. Si bien que son nom donna naissance à un verbe, le verbe glapionner. Hein? Tu glapionnes, je glapionne, et tous, à longueur d'année, tous, nous glapionnons. Alors on s'y prend comment pour glapionner? Oui. C'est, bon, un exemple vous fera saisir. Oui. Un homme, une femme, lui tape dans l'œil. Elle est bien faite. Bien foutue. C'est... Oh, bah, écoutez, bon. Aussitôt dans une indissoluble synthèse de réel et d'irréel à l'intérieur du sujet se déroule une série, une sarabande de clichés cohérents dans cette femme. Une étoile filante constitue le prétexte, l'aliment, le carburant. Enfin, bref, le type glapionne. Voilà, vous l'avez dit. Ouais. C'est un peu grivois, hein, c'est... Mais vous êtes folle, hein. Émile Glapion enseignait à Québec. Vous avez mal compris, hein. Ah oui, toutes les rencontres, toutes les incidences, mais non point dans l'unique secteur glandulaire. Ah oui, mais ça c'est... Ben oui, toutes les rencontres, toutes les incidences sont susceptibles de déterminer l'effet Glapion. Celui-ci tantôt sournois, tantôt fulgurant, irrémissible de toute façon. Un autre exemple une personne détient un billet de loterie. Hein, elle en connaît les numéros par cœur. Elle tombe dans le journal sur ces mêmes numéros. Qu'aperçoit-elle alors dans une brume étincelante où frémissent de joie les signes imprimés? Répondez. Ce qu'elle aperçoit? Oui. Ben, les voitures, cette idée, les toilettes, Deauville, Pompéi, la rigolade. Tout ce qu'elle va pouvoir s'envoyer comme promenade des Anglais. C'est... Bon, vous-même, on sonne. On a sonné? Moi qui d'habitude entends toujours tout. Mais restez donc tranquille. On sonne. J'y vais. Je suppose. Ah. Vous ouvrez. Vous vous trouvez devant une personne qui vous frappe par je ne sais quoi d'inattendu, de curieux. Eh bien, à partir de cette apparence, vous dévidez tout un roman énorme, instantané, délirant. Effet Glapion. Arrêtez. Effet Glapion. Arrêtez. Effet Glapion. Arrêtez. Pour me résumer, la vie est faite d'illusions. Parmi ces illusions, certaines réussissent. Ce sont celles qui constituent la réalité. Oui, eh bien, la philo, la folie, moi. Bon, alors, si vous ne dormez pas, si vous ne lisez pas, sortez, hein. Sortez. Oh, mon amour. Tu me conçois toute seule en train d'exécuter 4 fois le tour de la cathédrale. Sans compter que pour ce qui est du tour de la cathédrale aujourd'hui, ceinture, sous prétexte qu'on reçoit la princesse Augusta, la ville entière regorge de drapeaux, d'orchestres, de soldats. L'hymne royal hurle tous les 10 mètres. Ah! Oh. Je dois pas être comme tout le monde, moi. Ce cantique, j'arrive pas à le digérer. Je suis sur la terre pour me supporter. Chaque matin, 2 doigts de fond de teint. Et tout ce bleu. T'as pas fait la bonne affaire en me prenant pour secrétaire. Bon, récapitulons. Je ne monte ni ne skie. Quoi? Non, non, je parle pas polonais. Non, je possède aucune langue étrangère. Hormis la langue française. Laquelle n'en est pas une, n'est-ce pas? N'est pas une langue étrangère. Sauf, c'est curieux, pour les étrangers. Vous avez... Oui, bref. Bon, alors, je monte pas à cheval. Je te disais, quant au ski, oh, je tiendrai jamais dessus. Oh, il y a les échecs, tu me diras. Réfléchir en zigzag. Le poker, balancer les valets, le bridge. Ah, se faire prendre par le mort. Ah non, ben... Non, écoute, n'insiste pas, j'ai tout essayé, tout. Jusqu'à broder des napperons en plein XXe siècle. Non, mais j'aurais le ménage à m'occuper, je me porterais mieux. Mais avec cette bonne que nous avons, comment veux-tu, elle fait tout. Tout. Ah, pour ça, on est bien tombés, hein. Elle croit que l'eau sale, c'est la grande bleue à jour les pains. Elle fait pas la vaisselle sans lunettes noires, de soleil. Oh, tiens, je m'étais réservée en me cachant d'elle. Je m'étais réservé un peu de poussière dans un coin pour mon dimanche. Une poignée, hein, à peine de 100 grammes. Enfin, juste de quoi torchonner un brin. Ouais, nous autres, les femmes, ce que nous avons dans le sang, c'est un aspirateur. Eh bien, ce matin, ma poussière envolée, nettoyée. Une fille si belle à voir, si distinguée, un corps admirable. Même en pleine nuit, pas de petite amie. Ah non! Un seul idéal, le travail. Et son jour de congé qu'elle passe à la cuisine, la malheureuse, sous prétexte qu'un client peut toujours s'amener, et sans elle, la porte. Qui sait qui l'ouvrirait? D'ailleurs, nous avons le même prénom. Augusta. Il court pas les rues. Monique. Moi, tu m'appelles Monique. Pour ne pas toutes les deux nous embrouiller. Ben Monique est plus tendre qu'Augusta. Plus tendre, plus hebdomadaire féminin, oui. Plus comment réussir les escalopes panées. Comment se laver la tête avec du jaune d'œuf et du citron. Comment... Mais ne gémissez donc pas. Ce soir, nous dînons chez le préfet. Ben, vous la verrez, la princesse, vous la verrez. Et la princesse, elle me verra. Nous serons noyés dans un tas de percepteurs, de contrôleurs, de magistrats. Sans oublier votre ami, le capitaine de gendarmerie. Chacun flanqué de sa moitié, là, tous avec des bagues de mariage, hein. Comme des bouées de sauvetage. Que le préfet vous invite, passe encore. Mes dîners debout et aux chandelles, très peu pour moi, j'ai passé l'âge du certificat. Monique. C'est vous, c'est bien vous. Voyons un peu la manière que vous vous y prendriez pour vous entretenir avec un conseiller municipal. Je chante pour nous différents cercles de jeunes petites demoiselles. Nous l'avons fondé. Grâce à la taxe locale de luxe sur le vinaigre aromatisé. Oh mon Dieu, cher monsieur, les élus n'ont fait que leur devoir. Et n'importe comment, les cercles ont besoin d'un centre. En tenant la main droite une assiette avec une tranche de barbac à couper au couteau sans couteau. Pas de couteau dans ce cas-là, pas de fourchette, pas de couteau. Et de l'autre, une coupe de Vouvray. Ma robe du soir d'avance, je peux l'envoyer chez le teinturier. J'irai pas. Mais alors, en somme, ce qui vous chiffonne, c'est... C'est quoi? Dites. Oh, dites vite, je brûle, moi. Je brûle. C'est de ne pas habiter Paris. Écoutez-le. Dans le temps, peut-être, oui, il y avait des femmes pour estimer que la province, c'était la tombe. Maintenant, les distances, pas... Paris, pour y être, j'ai qu'à fermer les yeux. Je vois le métro. Je le vois, je le tiens, le métro. Les bistrots, la gare Saint-Lazare, le café de la paix. La rue de Londres. Sombre, méthodique, glacée. Où je naquis, derrière une façade de marbre. Le boulevard du Maine, le cimetière de Vaugirard, les arbres, les bancs. Elle a dérivé toute la nuit, la pauvre fille. Qui l'épousera, qui l'aimera? Tu n'as plus qu'à t'asseoir sur ce banc, c'est gratuit. J'aurais des enfants, ça me distrairait. Des enfants, moi, c'est bien que je suis impuissante. Hein? Pas moralement. Ah bon? J'ai assez de peine à me supporter. S'il fallait partir le marché... Jérôme, c'est une baffe que t'as envie. Muriel, finis de mettre ton derrière à rôtir dans le four. si vous continuez même pas passant au plafond. Déjà qu'avec maman, il a quoi bondir. Alors que je ne vous ai pas encore épousé, vous m'en tenez rigueur, mais... Que voulez-vous, on ne peut pas tout mener de front, s'installer, se marier... Et... Un jour viendra-t-il. Un jour. Mais chaque jour vient à son tour, je vous promets d'étudier le problème, hein, je vous le promets, comptez sur moi. Bon Dieu, les clients, vite sauvez-vous. Vous ne m'avez pas dit ce que je dois faire. Bah, de la pâtisserie, tiens, faites donc de la pâtisserie. C'est malin, ça. Orléans regorge de pâtissiers. Vous, sauvez-vous, vite. Ah non, dites-moi, non, dites-moi. L'effet glapion. L'effet glapion consiste dans l'usufruit d'une donnée concrète objective par la logique visionnaire subjective. Vous ouvrez. Vous vous trouvez devant une personne qui vous frappe par je ne sais quoi d'inattendu. De curieux. Quel affreux tas! Le ciel bleu, le soleil. Quand il pleut, mes rhumatismes, je me dis, c'est la pluie. Mais sitôt qu'il fait beau, plus moyen de s'en raconter. Je me les ai, je me les garderai. Les rhumatismes cherchent le cœur. Tant qu'ils ne touchent pas le cœur, vous allez, vous venez, les gens ne se doutent pas de ce que vous endurez. Je les déteste, moi, ces maladies qui ne vous empêchent point de tomber malade. Vu qu'en même temps que les rhumatismes, vous pouvez attraper la grippe, l'appendicite, la prostate, ce qui vous chantera. Ah, drogue, pilule, pastille, j'ai tout essayé, tout. On mettrait sur le flanc la paroisse tout entière avec ce que j'ai dû m'enfourner. Oh, et les médecins, allez, j'en ai fait, oh, j'en ai fait. Celui-là, comment s'appelle-t-il déjà? Agrichant. Agrichant? Oui, le docteur Blaise Agrichant. Mmh. Agrichant ou pas, c'est un spécialiste. Mmh. Il prend combien? Combien il prend? 2000, je crois. 2000 francs? Il va me faire déshabiller. Tout enlevé, hein, je les connais. Tout enlevé de A jusqu'à Z et de Z jusqu'à Y. Mmh. Même ma peau de chat, couverte comme je suis, ça n'est pas une sinécure. Total, je lui lâche 2000 francs. Jadis, 2000 francs, vous les portiez chez le notaire, vous en tiriez une maison, madame. Eh oui, avec jardin, lavoir, les pommiers, les rosiers, même quelquefois le cheval, bijoux. 2000 francs, si seulement il me soulageait. Bon, pensez-vous. Les rhumatismes, c'est de l'eau. De l'eau qu'on charrie dans le sang. Sur les bords de la Loire, ils sont à leur affaire. Un nez d'artilleur, il a, lui, le docteur, de choisir Orléans pour y monter un cabinet. Rhumatisante, vous aussi? Moi, ou non? Calculez comme vous êtes, cela m'aurait étonné. T'étonné. D'ailleurs, nous sommes entre femmes. Quand une de votre âge, elle va au docteur, on se doute bien où elle niche la raison. 2000 francs. À ce tarif, il peut s'offrir des cadres moderne style. Van Gogh, n'est-ce pas? Oui, parfaitement. Vous êtes forte sur la peinture. Oh, il y a le même en vitrine à Monoprix, c'est pourquoi. Oh, et cet animal? Un poisson de mer, je parie. Un poisson de mer dans le Loiret. On en a tout vu. Oh, qu'est-ce qu'on lui donne comme menu pour être si long et si gras? Du caviar? Il est là pour embellir le baraquement. Il permet d'étudier la résistance et les réactions d'un organisme vivant aux effets d'un séjour prolongé dans un milieu liquide. Oui, ben à ce compte-là, pour s'en débarrasser des rhumatismes, il faudrait se noyer toute la journée. Alors que moi, un bain de pied, rien que d'y penser, bouf! Dites, il me reçoit quoi, le docteur? Vous êtes sa femme? Le docteur est à la chasse, il ne rentrera que demain. Voulez-vous me laisser votre nom? Dites, ma petite poêle, regardez-moi ça, si c'est mignon! mignon, hein? Si vous m'examiniez, vous avez l'air de vous y connaître drôlement, hein? Allez, allez, interrogez-moi, demandez-moi tout, n'ayez pas peur. Quel âge vous avez? Une seconde. Étant donné que je suis veuve, 60 ans. Qu'est-ce qu'il faisait, votre mari? Oh, quoi? Mon mari, ce qu'il faisait? Oh, ce qu'ils font tous, vous savez. La barbe fondue, la pantoufle à quatre, la grenouille fourrée, et dans les premiers temps, surtout la cavalcade du Béarnais. Mais il y a tant de temps. Ah, pauvre Lucien. Aimant, attention. Oh, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Ah, il était dans les perpendiculaires. Les perpendiculaires? Les contributions directes, quoi. Mais, n'allez pas les confondre avec les diagonales. Les indirectes, si vous aimez mieux. Eh oui, dès le nous vivions pour essayer de consoler ceux qui en crèvent. Eh oui, tout cela est à présent, je tiens mon chez-moi, place des Pertuisaniers. Et votre mal? Il vous tient où ça, votre mal? Là, sous le chignon. Et là, tout le long du serpent. Et puis là, comme ça. Oh là! Là, que c'est sensible, là. Et puis là, comme ça, il me remonte jusque dans la racine des dents. Levez les bras. Quoi? Les bras, levez les bras. Vous avez besoin de lever les bras? Eh ben, à la minute, vous venez de me dire. Dans la vie, vous avez besoin de lever les bras? Ouh, à Orléans, ça remue pas, guerre, de temps en temps, les Américains, les Allemands, les Anglais, quoi. Mais j'ai des souris. Ah oui? Ces vieilles maisons. Une souris que je vois. Il faut bien que je lui tape dessus pour la poter dans le trou consécutif. À la fin de la journée, les kilomètres vous désagrègent la structure. Le huitième trou, que je sache, n'a rien de particulier. Eh bien, c'est au huitième trou, pourtant, que je me crispe, juste à la hauteur de l'os. Pourriez-vous m'expliquer ça? Laissez tomber. Quoi, les bras? Tout, laissez tout tomber. Qu'est-ce qui vous tourmente? L'idée que vous les avez. Quoi, les souris? Je parle du rhumatisme. À votre place, j'en prendrai mon parti. Place des Pertuisaniers, je rentrerai me coucher. N'oubliez pas de prendre de l'aspirine en passant. Par exemple, est-ce croix de me bouter dehors? Présomptueuse, tâtez voir un peu mon bras pour voir. Non. Tâtez pour plaisir, du bronze chromé. Laissez-moi, le docteur est à la chasse. Mais... Oh non, je ne peux pas glapionner, je ne peux pas glapionner. Glapionner? Glapionner? Oh, eh ben, Monique, vous ne devez pas renvoyer les visites, voyons. Par ici, madame. Ah, non, docteur. C'est par ici. Dans Orléans, où l'arrivée imminente de la princesse Augusta met une animation extraordinaire, les recherches en vue de retrouver l'audacieuse auteur de l'attaque à main armée de l'avenue Jeanne d'Arc se poursuivent sans désemparer. La police a de bonnes raisons de penser que le malfaiteur n'a pas quitté la ville. Toi, camarade, dans ton écurie, tu pleures, dis. Mais tes larmes se perdent dans la douleur de l'eau. Les poissons pleuraient. Chez vous, le deuil s'exprime autrement que chez nous. Et pourtant, ce qui nous sépare compte si peu. On se dévore les uns les autres. Tous ensemble, comprenons-nous. Ah. Tu fuis si je t'effraie. Or, quand je te souris, tu désires mes doigts. Regarde, je te regarde de tout près. Allez, vas-y, fais-moi la cour, viens. Viens. Mais je t'avertis, si nous pactisions tous les deux, toi soudain plus chaud, moi plus froide, les merlans n'en seraient pas davantage frits, rassure-toi. Ou par malheur, pas moi non plus. Docteur, c'est clair, l'argent je tire. Ah, vous préviens, ça fera du bruit, hein. Ah, des clous, et tout le monde ne croira que votre transformateur, il continue de pétarader. Allez, argent, où est l'argent? Mais d'où sortez-vous? Vous imaginez que les citoyens gardent leurs billets chez eux? Mais vous me prenez pour qui? Pour un banquier? J'attends ce qu'il faut chaque matin pour le marché. Les timbres, les journaux, j'ai pas de liquide ici, moi zéro. Jusqu'à trois, je compte. C'est tout votre bagage intellectuel, mais vous n'irez pas loin. Un, deux... Toi, je te remets. Tout à l'heure, sous ta défroque de grand-mère, j'hésitais, blague dans le coin. Ton numéro... La place des Pertuisaniers, les diagonales, les perpendiculaires, chapeau. À présent, je te remets, Robert. Je m'appelle pas Robert. Et sûr que tu t'appelles pas Robert. Mais c'est pas Robert que je te connais. Quel Robert? Je suis de Bercy. Eh, quel autre tu veux? Je le savais que tu finirais par t'annoncer. Pas trop tôt, pas trop tard, hein. Juste le moment. Quand je pense que ça fait 3 mois que je me supporte près de cet oiseau-là. Monique. Oh, vous, je vous permets pas. Bah, hein. Enfin, Monique. Ah, alors vous pensiez que c'était pour vos beaux yeux, mes vertes prunelles, mes lourdes paupières. Vous t'habillez comme ça que ça durait jusqu'à la Saint-Ferdinand d'Éterne. La gentillesse, la psychologie, la cathédrale d'Orléans, dans un bled où les grands films s'amènent 20 ans après. Mais dis donc, finissons. L'argent ou l'argent? L'argent. Ah, les anneaux de fiançailles, l'or des grands-parents de Nancy, les diamants de Tante Martin, les titres de Monaco, tout le crottin rupin de la famille est là derrière le Van Gogh. Ils font péter de faim Van Gogh, mais ils servent de lui pour le camoufler. Leur sale pognon. La clé du coffre, docteur. Il la porte toujours sur lui avec les autres clés, voiture, boîte postale, dans la poche bâbord arrière du pantalon. Toi, le potard Robert ne quitte pas d'un œil, hein. Sans les médecins, il n'y a pas plus renard. Oui, minute, la fille, minute. Le potard Robert, ça vaut la barbe à papa, ça signifie pouic. J'en connais bien un de Robert, mais à Poissy. Oui, à Poissy, pas à Bercy. Ah, puisque vous êtes si renseigné, dites-moi un peu qui je suis. Devant lui? Oh, bon. Je l'ai nom, je suis qui? Gilly, naturellement. Vous auriez pu répondre plus mal. Allez, perdons pas de temps, je déplace le Van Gogh. Oh zut, fuis-tu trop petite, moi. Et toi, l'indémaillable, l'indécrottable. Hé, Gilly, les clés, chope-les. Juste un tour de gauche à droite sans forcer, hein. Ton arbalète t'embarrasse, en voilà. Maintenant, descendez, vite. Jetez les clés. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous cloue dans le mur. Tant pis pour leurs vêtements. Allons de Javel, je les civerai. Blaise, mon chéri, mon amour, sors du champ de tir. Ah oui, c'est bon. Sauterelle en fièvre, poutine molle. Je t'ai fait saigner, moi, ton minois sucré. Hein. Je t'ai fait saigner, je te rattraperai. Va. Ne criez pas si fort ou si la bonne vous entend, tant pis pour vous. Bravo, toi, des deux bien joué, là. Non. Ah. Une seconde, j'ai cru vous. Vraiment. Oh. Quelle comédienne, hein? Mon amour. Bon, ben lui, qu'est-ce qu'on en fait? Attachons-le toujours. Sur le... Oh oui. Oh, ah non. Oh, oh, si. Non. Ah non. Oh, ah non. Ah non. Si, venez. Ah, non. Venez, allongez-vous. Ah, non, non, non, non. Allez, mais si. Voilà. Ah oui. Ah, le métal est peut-être un peu froid, hein? Tenez, posez votre tête sur l'oreiller. Voilà. Détendez-vous. Ah, ben... Détendez-vous. Voilà. Les membres parallèles, la pointe des pieds vers l'extérieur. Et non, vers l'extérieur, comme les danseurs. Voilà. Ça marche, hein? Oui. Non, ça marche non, divinement, hein. Je protesterai. Ah oui, vous m'entendrez klaxonner. Maître Benkaïd, Maître Benkaïd, l'avocat, passez-moi Maître Benkaïd. Ah, je vous attaquerai. Ah bah c'est déjà fait, hein. Vous m'avez menacé d'une arme à feu, ici, chez moi, hein. Oui, mais je suis dans ma ligne, je tue, j'assassine. Mais vous n'avez pas le droit de me violer. Vous infectez la médecine. Dites donc, à propos, cette arbalète, il persiste donc à s'en fabriquer. On ne connaît pas encore dans votre milieu les tubes nécrogènes fulgurants silencieux. Mais tous les astronomes qui vont dans la Lune en sont munis. Allez. Maman, elle me tourne. Elle me tourne. J'alerterai mon consulat. Votre consulat? Oui, le consulat de la police, le commissariat. Ah oui. Dans un cas de cette espèce, la police est avec moi à cause que vous vous foutez d'elle. Hein. Vous mordez sur les agents. Oh, de première. Oh, mais alors de première. Mais de première numéro 1, Blaise. Oh, Blaiseau. Oh, laisse que je t'en fasse un gros sur chaque joue. Et un sur le front, pas de jaloux, un comme toi. Ah, on aurait beau chercher, fouiller, déterrer la terre, écrémer la mer. Jamais, non, jamais. Pousser la prévenance jusqu'à m'offrir un opéra figuratif, costumé, dialogué, à la maison, à seule fin de me distraire, pendant que tous ces imbéciles courent après leur princesse. L'hymne, l'hymne royal, vous entendez? Oh, j'en suis touchée, émue, bouleversée. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, je peux bien te le dire, mon amour. Jusqu'à l'heure actuelle, je vois, comment dirais-je, un doute, un soupçon. Je me demandais si tu ne me plottais pas pour faire comme tout le monde. Non, que tout le monde m'ait plotté, loin de là, quelle horreur. Non, mais pas, parce qu'il arrive un moment que les hommes sont obligés de vous plotter. La thermodynamique l'exigeant. Alors n'importe laquelle en avant. Mais à présent, quand je découvre ce que tu es capable d'inventer pour moi, Ce scénario, ce dur en mie de pain. Oh, merci, merci. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, là? C'est un inspecteur, hein? Oh, le capitaine de gendarmerie te l'a prêté. Oh, bravo, monsieur, sincèrement, alors, bravo. Inspecteur, non, mais vous déménagez, hein? Gilly, je suis Gilly. Vous-même, la première d'entrée, vous l'avez dit, alors. Tant qu'à vous travestir en brigand, vous choisiriez pour modèle le malfaiteur à l'ordre du jour. C'était archi fatal. Oh, Blaise, tu devrais détacher l'inspecteur. Qui le détache? Oh, ça me paraît d'une imprudence. Inspecteur, au moins, inspecteur. Si j'aurais pas les bracelets à 1000 morceaux, j'éclaterais. À 1000 morceaux. Ne poussez pas la blague trop loin, hein. Vous connaissez le proverbe, prenez garde que la farce ne gâte la saveur du poulet. Poulet, poulet. Je suis Gilly, moi. Gilly l'intraitable. Gilly le toulonnais. Gilly le cruel. Gilly le seul. Gilly est un homme extraordinaire. Vous devriez pas vous moquer de lui, hein. Vous devriez pas. C'est vilain. Oh. Mes fesses frites dans la bonne huile. Entendre ça. Depuis l'âge de 14 ans, je fais trembler la société. Oui. Un volume entier, il faudrait, pour les étaler mes arcs de triomphe dans tous les secteurs. Cassage, butage, braquage, raquetage. Ah oui, ceux-là qui s'opposent sur ma route, je les aplatis. Couverte de corps, elle est ma route. Couverte de corps. La plage à midi, mais tous rétamés. Vous vous échauffez, là, hein? Oui. Vous forcez, là. Bon, je force, elle va te laver, va te faire réfrigérer. Pas plus tard que ce matin. Quand la camionnette s'est amenée, elle me venait droit dessus, comme la vaca quand elle débouche devant les picadors. Ah, le capot de la fourgonnette me touche le ventre. J'enregistre la chaleur du radiateur. Je ne bouge pas. Une statue équestre à pied. L'arme correctement pointée. Ils ont l'air de vouloir avancer. Moi, dans leur pare-brise, en haut à droite, je colle un dinder, un pain. Ah, mon vieux, comme ma franchissement, ça suffisait. Ha! Ils se trissent sans réclamer, ils sautent par terre. J'embarque dans ma 403, le sac plombé. Banco pour Gilly. Oui. Ah, vous faites de votre mieux, remarquez. Oui, 11 500 000 dans l'espace vital de 3 minutes et 15 secondes. Ça sort pas de l'amateur, hein? Non, hein, ouais. C'est... Non, c'est... Oui, ben, attends un peu que je te rattrape. Attends un peu, tiens. Raclure de bordeur aux chenilles de Kegarel, ben, attends un peu. Non, mais cher monsieur, tâchons de nous comprendre. Mes critiques ne portent pas sur le coup lui-même. Un chef-d'œuvre, là, tout à fait d'accord. Mais sur vos efforts dans un rôle qui, pardonnez-moi, vous va pas. Quoi? Oh, le rôle de Gilly. Du vrai. Du grand. De l'indéfrisable Gilly. Bon, alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les 11 500 000, si je vous les étalage là, si vous les voyez, si vous les touchez, vous vous rendrez, hein? Vous direz plus que je bluffe. Vous proclamerez mon honnêteté. Amateur, moi. Eh bien, fouillez dans le sac. Ouvrez le sac, fouillez. Qu'est-ce que tu crois? Nous pouvons, au point où nous en sommes, qu'est-ce qu'on risque? Ah, qu'est-ce qu'on risque? Beaucoup. Et beaucoup d'argent. Mais farfouillez le fils de sa mère et vous en supplicie. Mais il transporte des briques dans son sac, ma parole. Ouais. 100 billets de 10 000 francs, tout beau, tout nouveau, dans un manchon carré de papier calorifugé. Ça semble une brique, si vous allez par là. Mais de briques comme cela, pétarde. Rien qu'à bandole avec une dizaine. Vous pouvez acheter une villa plein midi, vous achetez le garage sous la terrasse, le téléphone, le gaz, pas de corridor. Les corridors mangent toute la place, tout pour le séjour. Une brique, deux briques, trois briques, 8, 9, 10, 11 briques. Blaise, mon amour, mais qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces briques? Ben, ce qui s'impose, évidemment, c'est de rembourser d'abord ce que nous devons. Oh, cet argent ne vous appartient pas, hein? Mais ma famille toujours considéra les dettes comme la lèpre de l'honneur. Oh, oh, dis-moi, chérie, j'y songe, les factures acquittées, il nous il restera plus de 3 millions. Oh. Ah non, mais attention, cet argent ne vous appartient pas. Et ben alors, et l'ordre, et la morale, alors, et la loi, ça alors. Oui, dites donc, vous, là, dans la fourgonnette, il y avait bien 11 500 000 francs, hein. Bon, les 11 millions sont là, bon, mais le reste, nous ne trouvons que 475 000. Oh, oh non, alors dites tout de suite que je suis un voleur. Ah, tiens. Oh, bah... T'es pour toi! Non, mais... Les habits de veuve pour venir ici, hein? La robe, le manteau, le capéou. Vous vous figurez qu'on les distribue, hein? Oh. Et puis d'abord, hein, ça ne vous regarde pas. Cet argent ne vous appartient pas. Là, je crains qu'il ait raison. Ah, tu ne penses pas lui restituer? Là, lui, oh, non, bien sûr, non. Au celluloïde. Oh, rendre l'argent au celluloïde? Oh, un scandale, un crime, un péché. Non, nous ne pouvons pas nous emparer de ce trésor. Moi, je téléphone au celluloïde. Oh, non, alors on va, non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, méchant, va, nihiliste. Oui. Saboteur, un destructeur. Non, mais c'est un vrai chagrin, mais regardez-la. Oh, petite fille, alors. Ça me le déchire, moi. Ça me le ratatine, ça me le rend comme un limaçon. Pour ces belles briques qui me fondent dans les doigts. Oui. Tant que je ne les avais pas vues, je m'en moquais. Mais maintenant, elles ont traversé notre vie. Se lamenter n'a jamais remis la troisième patte d'un canard. Ah. Les briques, dorénavant, les briques, nous les fabriquons. Nous les fabriquons. De la fausse monnaie. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'as eu. La clinique d'intoxication, nous la montrons. Voilà, ça recommence. Oui, hein. Non, faites pas votre hypocrate. Hein. La clinique d'intoxication est une source de briques. Pardon? Une mine, je veux dire. Une quoi? Bon, une mine d'or, mais réfléchissez. Mais les gens se battront pour que vous leur injectiez dans le cabochon le cinéma, l'Himalaya, le carrosse du couronnement, l'héroïsme batailleur, l'érotisme décoratif. Des filateurs du Nord et des rajas du Sud nous engraisseront pour que vous les amusiez d'une misère provisoire qui les esserve là, que veut chacun. Se dépouiller de l'habitude d'être soi. Donner sa chance à l'un des possibles, inclus dans la panoplie du germe personnel. Ah oui, l'idée est séduisante. Ah, hein? De qui vient-elle? De vous, docteur? Ah non, oh, non. Je vous cite mot pour mot, des non. Idées, vous en avez tant. Oh. Vous me les enfoncez. Mais dites dans les deux là-bas, je suis là. Hein? Oui. J'hésite. Moi, j'hésite à me lancer sans avoir essayé sur le vif. Sur le vif? Oh, tant qu'à ça. Quoi, que je vous le donne? Oui, nous essayons avec lui. Ah oui, mais sommes-nous dans la légalité? En Amérique, les vaccins sont conseillés sur les forçats. C'est pas vrai? Tout ce qu'il y a d'officiel. Ah bon? Ah, je vous interdis d'approcher, hein? Maître Benkaïd! Maître Benkaïd! Ah non, ficelé comme je suis! Oh, le saucisson ne se tabasse pas quand même! Mais n'ayez pas peur, je me dispose à vous dévisser les pédicules! Si jamais vous touchez à mes pédicules... Vous emballez pour un mot. Ah ben des mots comme ça, hein. Les pédicules circonscrivent le trou vertébral où passent les nerfs. Les nerfs? Oui, en vous aérant les nerfs, en vous dilatant le tempérament, je permets à votre nature de se développer dans un renouveau qui vous surprendra. Vous charmera. Vous délassera. Pour être à votre place, beaucoup donneraient gros. Auparavant, mon ami, tâchons de circonscrire celles de vos tendances caractérielles que vous aimeriez voir émerger de l'obscur bric-à-brac de votre inconscient. Ce que j'aimerais? Oui. Rentrer dans mon pèse et puis me barrer. Oui. Dans votre personne. Vous avez bien une marotte dissimulée, une rêverie qui rêve de prendre corps, une confuse espérance qui souhaite aboutir. J'assortirai le traitement mécanique d'une légère décharge. Juste quelques ampères. Je refuse qu'on m'électrocute, hein. En France, depuis 89, on n'électrocute plus. Non, guillotine, en France, on fusille, depuis 89, mais on n'électrocute plus. À moi les truands, à moi les flics. Mais il va finir par amonter tout l'univers. Je vous préviens, si vous ne la bouclez pas, les emmerdements seront pour vous, hein. Non, alors, on s'y met. Bah oui, mais le résultat demeure incertain. Incertain, pourtant. Bah, l'expérience nous claquera dans la main si le sujet n'a rien dans le ventre. Par le moindre petit idéal dissimulé. Cet oiseau-là, même s'il trimballe en lui quelque part un violon d'ingre virtuel, potentiel, il s'en rend pas compte, regardez. Trop primitif. Barbe alors, hein. Ben oui, c'est à nous de le mettre sur la voie. Il faudrait qu'auparavant, il voit des gens en train de se déboucher comme du champagne. Alors ça l'exciterait, ça l'inspirerait. Et tenez, vous par exemple, qu'est-ce que vous voudriez? Oh, moi, ça. Oh là, je sais, devenir ma femme. Oh, non, oui. Bague à part. Oh. Bague à part. Comment voulez-vous répondre comme ça, tout d'un coup? Oh, si je sais. À 160 à l'heure, j'adorerais foncer. Oh, c'est banal, ça trouvait mieux. Alors. Il me plairait de compter parmi mes aïeux des pirates blonds. Oh, à cette heure-ci. Ah, mais dites-moi, vos aïeux vous serviraient à quoi? Oh, à bord de mon voilier, je manifesterais l'énergie qu'ils me léguèrent. De plus, je mépriserais les ombres. Hein? Combien de mâts? Pardon? Combien de mâts, votre voilier? Oh, ben, suffisamment. Trois, disons donc, c'est entendu. Hein? Vous glapionnez devant lui. Vous vous lancez dans un numéro bien aval, bien surcouf. Et vous? Quoi, moi? Ben, vous êtes sur l'affiche, non? Ah, non. Ce qui vous plaît par-dessus tout, c'est de rester garçon. Oui, ça, nous savons. Oui. Mais ce célibataire menacé... Que ne donnerait-il pas pour s'appeler Brahms? Brahms? Ou à la rigueur Moussorski, c'est bien ça, non? Ah, si on veut. Bon, donc, c'est entendu. Hein. Vous, sur la marine, moi, sur la musique, on se lance sans réfléchir, sans calculer. Hein. Répète pas. Non, il faut que ça monte, il faut que ça sorte, il faut que ça se vomisse tout seul. Ah, de la musique à présent, je suis tombé chez un kleptomane. Ah non, détachez-moi de là-dessus que je me taille avec ardeur. Hein. Il va pas mieux le major. Hein. Major, moi, médecin, je figure comme tel dans l'annuaire. Soit, mais l'annuaire, soulevez-le, qu'allez-vous y découvrir? De l'IPK? Non, monsieur, non, les noirs et les blanches me travaillèrent toujours. Sitôt que la polyphonie ouvre son armoire bariolée, des cascades de jouissance octogonales, des spirales à quintuple tour, des avalanches d'algèbre élucidée se déclenchent, criblant de flèches d'allégresse. Ceux qui m'écoutent, qui m'applaudissent, qui me crient leur gratitude, car l'auteur, le compositeur, l'exécutant, c'est moi. À toi, Monique. On se tutoie? Mais oui, allez, en avant, toutes! Capitaine Pasqua! Milady! Un peu d'humanité, par pitié! Je vous engageais comme maître d'équipage! Non, pour que vous m'abrutissiez avec votre harmonique. Nous devions toucher le Cap Martin avant la nuit. Or, nous en sommes encore à bourlinguer le long du 43e parallèle, avec si peu d'étoffe sur nous que c'en est choquant. Choquant, c'est ma nue. Flanquez-moi là-dessus tout ce que vous avez comme lingerie, à commencer par mon régipette, si besoin est. Remettez à nos lascars triple mesure de ratafia, mais qu'à la vaste blancheur tendue des grandes voiles, les bonnettes superposent leurs diadèmes, ou comme le fond blanc de l'œil étincelle le cacatois. Ah, combien me ravissent les heures que je dois au gaillard. Lequel, celui d'avant ou celui d'arrière? Oh, qu'importe, de la fleur de ma tête à la plante de mes pieds, je me flaire, livré aux géants composites de l'air, des astres, des flots. Ouais, ben, repos la main, repos. Hein. Ah, d'or nocturne et de sel, je règne cuirassé. Basta, ça va, on a compris, hein, maintenant. Ah, frottez. Hérissé. Oui, votre eczéma mutin, vous, c'est les matelots. Les filles de la Muette et de Victor Hugo, chez elles, ce besoin se constate souvent. Moi, mon père, autre que Victor Hugo, mon père y vidait les caves. Eh oui, vous aviez dans les boîtes de nuit, à Pigalle, vous aviez dans ces boîtes-là, je vous parle d'avant la guerre, vous aviez toujours un malabar pour casser la gueule au consommateur qui trouvait la note poivrée. Il lui cassait la gueule au consommateur, il lui piquait ses florins et puis flac, il le jetait dans la rue. Eh oui, il vidait les caves. Oh, c'est drôle, l'argot, décidément. Oh. Oui, maman, elle, du temps, maman, elle remplissait les magasins dans une boutique de tir. Eh oui, pauvrette, elle remplissait les magasins des carabines. D'une ville à l'autre, 6 ou 7 rombiers qui descarguent tous en même temps, les douilles qui vous sautent dans le corsage, les pipes qui vous pètent dans le dos, pourtant toujours sourire malgré les balles. Pam, pam, pam, pam, un petit carton, messieurs, pam, pam, pam, encore un petit carton. Je suis venu au monde d'entre deux pipes. Quelle destinée, hein? Eh oui, eh oui. Pourtant, si les circonstances m'ont contraint à choisir la carrière de malandre, les bonnes manières ne se lasseront jamais de m'aguicher, de me faire languette comme à tout lolo dit. Eh bien, ça y est, nous le tenons, votre péché mignon, vous êtes un homme du monde. Mais oui, mais vous êtes un homme du monde qui n'attend que l'instant pour arracher son loup. Vous croyez, oui? Oh. Ah, peut-être. D'ailleurs, remarquez, je sais qu'on doit dire « je m'en souviens » et non pas « je m'en rappelle ». Ah. Ah oui, ça, quoi qu'il arrive, je m'en rappelle. Ah, bravo. C'est comme il y en a de ceux-là, comme ça, qui vous sortent « mon beau souvenir à votre dame ». Oh. Des parpaignasses. Oh, on doit dire comment? Oui. On doit dire mon bon souvenir à votre femme, couillon, quand on est bien élevé. Mon bon souvenir à votre femme. Oui, vous êtes sur la bonne voie, mais ne décrochez pas. D'ailleurs, vous avez le golf dans le sang, vous le 8e trou. Pensez très fort à tout ce qui est Monaco, Monocle, Canard à l'Orange, Archiduc, Monterland. Oui. Tiens, je m'en vais vous étirer l'épine dorsale. Aïe. Ah non, mais juste quelques centimètres, de façon à donner davantage d'espace à votre personnalité. Je voterai une statue à cartouche. Car lui, Cartouche, fort bon ou pas, c'était un gentilhomme, un garçon, tout à fait chic, pas trivial pour un sou. Tandis que l'affaire Stavisky, quelle horreur! Ah! Cette mixture de politique et de finance, l'hypocrisie de l'éloquence, associée aux odeurs de cuir de la Sûreté Générale. Pouah. Moi, à vrai dire, je me console mal de ne pas avoir reçu l'ordre de la jarretière des augustes mains grassouillettes de l'impératrice Victoria à une époque où la poésie des contes de fées persistait dans les cours souveraines, dont le palissandre astiqué au lion noir dans les salons de la haute société réfractait l'éclat. Vous entendez? Non, quoi? Non, mais ça craque! Oui, oh, bah, ce sera le plancher. Mais non, mais ça craque même drôlement! Mais il est en bois du Nord, il craint la chaleur! Non, mais ça craque de plus en plus fort! Ça ne viendrait pas de moi, quand même! Oh, bon, quelle idée! Oh, oh! Non, les hussards de la princesse s'impatientent, les sabots raclent le pavé! Les manteaux bleus, doublés de blanc, capuchons cramoisis! Tels est des uniformes de la charretière, les couleurs que parachève un béret tout vert. Donc c'est terrifiant, il se développe, il se multiplie. Non. Vert, le béret, le vert, mais le fond de l'œil. Ah, oui, ça va. Oh. Vous blanchissez, vous, hein, vous pâlissez. Ah bah, il doit y avoir une panne. Comment ça, une panne? Le satin herbu des terrains de golf. Oh là là, ça c'est une panne à l'envers. L'interrupteur. Ne m'interrompez pas, l'interrupteur n'enclenche plus. Quand je pars à la chasse avec mon épagnol. Oui. Pagnol. Oui. Pagnol. Oui. Pagnol. Devant mes collègues, j'aurai l'air de quoi, moi? Oh là là, dans toute cette tuyauterie, je me perds. Oh. Décidément, les médecins ne sont pas des plombiers, hein. Ben, le prospectus, le alors. Le prospectus. Le prospectus pour réparer la dame. Ça, amenez-moi le prospectus. Amenez-moi le prospectus. Oui, ça va. Il se tord, elle ne veut rien savoir. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Des étincelles. Quoi? Il fait des étincelles. Oh. Pourquoi l'appelle-t-on de soi? Mais tout simplement parce qu'on prélève tout de go sur l'épiderme de l'animal. Parle-t-il? Quoi? Est-ce qu'il devient pâle? Ah, transparent plutôt. Oh là là, cette clé de ce cochon de Courtade, si seulement elle tenait le coup. Quant au ruban vert, il sert à mesurer la longueur des estocs. S'il arrive qu'à Dieu ne plaise, on en découd sur la pelouse des manoirs. Oh. Oh, il crépite, hein, de lui jaillissent des étincelles. Fends-toi, Salisbury, regarde, vilain jeton. My grandmother has to be in peace in family whole car. She lends it to me sometimes to play squash with little Mary. Oh là, mon Dieu, comment va-t-il? Eh ben, c'est un snob. Oh. Ça y est, sa grand-mère a deux petits pois. Elle les lui prête parfois pour qu'il joue avec Marie-Histoire. Je n'ai pas très bien saisi quoi. Ah, ça y est, j'ai enfin réussi à tourner la clé dans le bon sens. Oh, bah, dites donc, il est pas mort au moins? Hein? Bah, il bouge plus. Non, il serait mort, il transpirerait pas tant. Allez, détachons-le. Oh, il manque pas de charme de près. Ah oui? Oh, regardez, il les ouvre. Oh, je me demandais comment il les avait. Noisette, il les a. Allez, debout. Hop. Oh, oh, oh, oh, ah bah non, mais attention. Allez, marche. Non, mais pas. Non, mais pas les deux en même temps. Vous vous prenez pour quoi? Pour un moineau? Allez, un pied. L'autre pied. Là, voilà. Eh ben voilà. Comment ça va, hein? Comment va la tête? La tête. Oh, bah, votre tête à vous. Ma tête à moi? Oui. Ma tête à moi. Oh! Là où elle vole. Ah, ah l'espiègle. Ah, la frivole. Elle me nargue. Elle cavale de son côté. Ah, une caboche que j'ai transbahutée. 30 ans et plus, elle cavale de son côté. Méfie-toi, radasse. Si jamais je te repince. Elle a de la cervelle. Elle comprend. Elle se rend. Je te tiens. Oh. Ah, tu devrais rougir, coureuse. Rougir, tu devrais. D'où c'est que vous sortez, vous? Ah, mon... Qu'est-ce qui se passe, là? Mon assistante. Voyez, nous examinions votre avenir dans une perspective modifiée par la vertébrothérapie disloquante associée à l'électronarcose monophasée. Et... Monophasée? Oui. Monophasée. Vous êtes docteur? Oui. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre, je me sens plus grand qu'avant. Ouais, ouais. Un peu plus, je ferai la bise à la girafe. Oh, écoutez. Oh, vos petons, je les aperçois loin, loin, petit, petit. Attends, oh là là. Ah, ça y est, j'y suis, ça me revient. J'étais venu pour l'argent. L'argent? Ah, j'ai tout fait pour en avoir. Il m'a procuré les plus hautes récompenses. Oui, les lionnes du Kenya, les jeunes filles du bois de Boulogne, les croisières, les cadillacs. Mais certaines nuances m'échapperont toujours, ne serait-ce que la différence entre le consommé Pompadour et le velouté du Barry. Le potage, j'ai beau me le clapoter dans les joueuses, me le repisser par les oreilles, j'avale, oui, et ça la fout mal. Les maîtres d'hôtel, si ça les arrange, ils peuvent me servir du Barry pour du Pompadour, j'avale, et ça la fout mal. Au Majestic, ça la fout mal. Oui, c'est précisément en vue de remédier à cette carence éducationnelle que nous venons de vous soumettre à cette intoxication. Tenez, venez, allongez-vous. Ah, cette bande de loufias, je les empêche comme ça. Voyez. Il retombe, hein. Là c'est net, il retombe. Ah, hein. Vous êtes arrêté trop tôt. Oh, et encore, les garçons du café, c'est des travailleurs. Mais les gendarmes, quand je pense que tout le monde, les contribuables, les assassins, tout le monde s'escagasse pour les engraisser, ces mains je merde de la gendarmerie, oh là, oh. J'en ai les coups de gonfler, rien qu'à me retenir pour pas les bouffer. Ah, voyez, il est pire qu'avant, elle valait rien, votre idée. La clinique, en tout cas, nous n'aurons, je l'avais. Oui, oh. Ah, ce capitaine de gendarmerie. La mer est en bas dessous, je te lui dévisserai la gargoulette, hein. Macaro patente, budgetivore rumina. Il va tout démolir, hein. Mais remettez-le sur la table. Pour me faire pulvériser, moi. Ah non, au contraire. Non, l'amadouer, le réconforter, se montrer naturel, fraterniser même, mais qu'il parte, hein. Surtout qu'il parte. Pour lui partir, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Oui, ben je vous jure que ça suffit. Eh, dites, vous savez, je pense comme vous, 100%, moi. Hein, qu'on appelle la Sûreté Générale ou qu'on appelle la Sécurité Sociale, la police envahit tout. Oui, oui, eh bien, oui, moi, rouge, blanc ou noir, je ne vote jamais. Non. Ah non, non, ça, je ne vote jamais. Moi, je vais vous dire... Des urnes, je ne m'approcherai que quand on fumera gratis Baptiste. Et c'est l'assurance automobile qui me reste là. Ah, depuis qu'elle est obligatoire, moi, je me gêne plus. Hein. Couvert, tranquille, devant les écoles maternelles, j'écrase, j'écrabouille, j'oxyde. Est-ce que l'assurance marche d'elle-même? Bah oui. Hein? Et le fait est que pour s'amuser à Orléans, elle est morte. Bon, alors maintenant, ça suffit. Tenez, vous allez prendre un verre. Oui. Ah, c'est comme ça, vous me laissez toute seule. Eh bien, je travaillerai sur mon corps. Je donne le maximum de courant. Je m'enchanterai moi-même. Oh, Isabeau de Bavière. Catherine de Médicis. Collégienne, j'ai tout coupé. Ah, me pénètre. Un restant de fourmillement. Oh, ben vous êtes folle. Elle est folle. Hein? Ah, puis je suis trop bonne de décarcasser pour la science, moi. Je pense qu'on est bien là-dessus. Oh, on attendait du fer, on trouve quoi? Du beurre. Oh, mais au fond, pour perdre pied, pas besoin de mécanique, pas besoin d'électricité. Il suffit de s'étendre, de fermer les yeux. Oh, c'est splendide. Je passe sous des ponts de cristal rose. Nous frôlons de molles falaises, de marbre. Mais, Monique... Malgré vous, je poursuis l'expérience. Poursuivus experimentum glapioni. Ah. Dites donc, vous, le chevalier de la Moltière, qu'est-ce qui vous a pris de démarrer sur la chevalerie? Vous êtes en rapport avec les chevaux? Moi, j'ai mis un sac de temps en temps au Paris Mutuel de la place Clichy, en face du Veplaire, si vous connaissez. Ah là là, si je connais. Je passais devant tous les jours quand je travaillais chez Gaumont. Moi, chapitre chevaux, j'aime perdre ma main dans le tiède gazon de leur croupe sucrée. Oh, elle m'embobine. Mais comment deviendrez-vous jamais un propriétaire éminent si vous ignorez le langage du turf? Il vous faut en outre un tube gris-perle. Un tube gris-perle? J'ai beaucoup mieux. Oh, bah qu'est-ce que vous faites? Bah non, bah voulez-vous laisser votre pantalon, espèce de saligot, devant une femme? Oh, elles envoient tellement. Ah non, rajustez-vous, hein. Rajustez-vous et fichez-moi le cas immédiatement, vous m'entendez? Oh. J'en ai soupé de vos histoires, hein. Oh, Blaise, attention, vous allez faire une boulette. Oui. Mais qu'il tire, le résultat surprendra chacun. Je vous préviens, vous l'aurez cherché, hein. From Belben. Comment? Baron from Belben. Vous tenez à la main, docteur, un appareil, un vaporisateur en matière plastique, licence écossaise, fabrication luxembourgeoise, très apprécié des enfants. Vous venez d'arroser la pièce d'inoffensive parfumerie. Sinistre abruti, guignol infect, ça pue, en effet, on se prend chez le coiffeur. Eh ben, Monique, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne dit rien. Oh, cette odeur! Oh, laisse que je m'y baigne ainsi qu'en quelque écharpe! Oh, odeur, toi qui rassembles douceur, délicatesse, bonté! Je te congratule! Oh, la douceur des étables, lorsque tinte la cloche suspendue sous la poitrine de laitière! Oh, la délicatesse des prairies fourragères le matin, quand l'alouette Lulu passe en criant « Dis-lui, dis-lui !» Oh, la bonté de la forêt, le gros moment qui ne chasse les renards ni les chasseurs. Ah, tu perds vol poche, Mirnella, j'ai pizza, sous, dormir. Ah oui, ah, sous, dormir, mais qu'est-ce que tu bafouilles, hein? Ah, je sais pas, ah. Une écume de sève fraîche monte du passé de mon sang. Ah, un pochi viscrupo, tiens. Ah, pochi viscrupo. Oui, elle s'exprime en lamellingue. Oui, oui. L'odeur, que voulez-vous? L'odeur grisâtre, hein? Jusqu'à déterminer une éruption polyglotte, je dirais même philologique, de bref durée. Vous êtes encore là, vous? Ah, que voulez-vous? Nécessité oblige, comme on dit. Ici, chez vous, sous bien des déguisements, je me suis introduite. Oui, tantôt facteur, tantôt plombier. Je m'excuse 60 000 fois pour déboutonnage. Comme vous le constatez, j'avais derrière mon pantalon un second pantalon, à vrai dire le premier, moralement, et à proprement parler, le fondamental, tout en laine bleue de Prusse, tricoté au point de Hongrie, touché. Mais si de plus, j'enlève cette veste de sport de chez Conchon Chaînette, Vous aviserez que dessous, je porte la glorieuse tunique à cette rangée de boutons dorés. Les aiguillettes se terminent par des tulipes de métal en souvenir de la glorieuse victoire que nous remportâmes sur nous-mêmes en nous résignant à faire la paix avec la Néerlande après qu'elle nous eut écrasés. La tunique de gala des hussards de la Merlingue, le régiment personnel de la princesse Augusta. Oui, cet habit militaire vous intrigue, petite madame. Oh, si, si. Mais il n'y a rien là que de coutumier. 50 ans en deçà, notre ministre plénipotentiaire à Paris ne se gênait pas pour se mettre en cuirassier bien blanc. En cuirassier blanc, pardon, excuse ma diction. Lorsqu'il allait boire un demi boulevard de Solferino. Oui, nous, les diplomates. Ceux surtout de l'ancienne école, c'est à nous, ne l'oubliez pas, c'est à nous qu'il appartient, que revient l'honneur de faire la guerre, de la faire, la commander, la déclarer. L'amour aussi dépend de nous. L'amour entre les têtes couronnées, lesquelles, sans nos conseils, risqueraient le célibat, ou pire, de se marier trop à gauche. ce qui leur arrive parfois malgré toute notre vigilance. Témoin ce pauvre Amédée VI. Témoin, oui. Comte souverain de Savoie qui s'en alla se marier avec une demoiselle Trotabasso, la fille d'un rétameur en... j'ai le date sur le bout de la langue. 1299, l'année du traité de Montreuil. Mais bien sûr, bien sûr. Comment, 1299, vous étiez donc au courant, vous? L'hebdomadaire publie les généalogies. Oh, baron, vous prendrez bien une tasse de thé. Augustin? Silence. Augusta! Vous ébranlez la tête! Oh, écoutez, j'appelle la bonne... Silence! Autour de la princesse, dont je suis à la fois le sujet, le page, le soldat, je me multipliais en une foule de passants, de figurants, sans que jamais mon visage à moi, transperçât le crin factice ou le phare corrosif dont je grimais mon dévouement médiéval. From Belle Peine. Mais d'abord, mon tout bon, dites-moi un peu des nouvelles de madame, votre mère. Pourquoi, vous la connaissez? Qui ça? Ma mère. Oh, parle-moi du monde. Ah, bon. Mais alors, pourquoi me demandez-vous... C'est parce que nous autres, dans la diplomatie, nous employons très souvent et très volontiers de ces formules strictement mélodieuses qui révèlent notre état, sans toutefois rien révéler des secrets que nous transportons. Ah, vous êtes dans la diplomatie. Je tiens à ce qu'aucune malaise ne subsiste. J'ai là mes documents. Oui. Passeport universel, certificat du quai. D'Orsay, il va de soi. Bien. Non, mais je vois, mais si vous vouliez me parler, fallait-il vraiment que vous vous déguisiez? En entrant dans le carrière, on nous apprend à la fois le casque et le masque, le canon et l'éventail, l'ultimatum et le salam alek. L'ultimatum, salam alek. L'ultimatum, salam alek. Mais franchement, mais que signifie tout ce carnaval, monsieur Philoupette? From Belbed. Baron from Belbed. Vous ne me ferez pas avaler qu'il était indispensable de vous faire passer pour une bonne femme d'ici. Oh, mais pardon! Cette femme, c'était moi. Vous? Eh oui, je la créais, je la composais. Et le bandit dit, Gilly, vous allez me soutenir aussi que vous le composâtes? Parfaitement, zat. Gilly vécut le temps que vous m'avez cru, lui. Et la fourgonnette? La fourgonnette attaquée? Vous y étiez? Non. Alors, camarade, mou, mou. Mais la radio pourtant affirmait. Oui, la radio dit ce que l'homme lui fait dire. Bon, et les 11 500 000 francs, alors là, je vous tiens là. Ah, nous les considérons comme à nous, ne serait-ce que pour nous désintéresser de ce tintouin. Ah, vous retrouvez la raison, vous? Et la raison, nous les gardons. Oui. Désolé de vous mécontenter. Non, mais on viendrait vous éplucher les Azerolles sans contrepartie. Mais regardez-les, vos millions. Regardez-les de près. Allez-y, vous, moi, sa voix me fait peur. Oh non, de nom de... Oh, les salauds. Quoi? Ben, regardez, les billets ne sont imprimés que d'un seul côté. Dessus, quoi? Dessous, rien, le papier blanc. Ce se rapporte, en négligeant leur valeur artistique, oh. Ces billets peuvent être considérés comme de véritables tableaux. Oui, oh. Ah oui, Van Gogh, pour ne citer que lui, Van Gogh ne peint que par devant. Oui. On ne connaît personne qui peigne par derrière. Oui, eh ben, vous pouvez vous en empaqueter le bourgeon. Oh. Mais quel désastre, quel malheur. Moi qui me flattais qu'avec tous ces millions, nous aurions pu aménager les deux pièces du haut pour les enfants. Nous n'en avons pas, vous me direz. Mais c'est à cause de l'argent, toujours le même refrain. Moi, j'aurais voulu que mes enfants soient installés, mais comme des princes, c'est vrai. Je dois vous entretenir un cabinet moment. Personnel, un gentil bureau laqué pour chacun. Tout ça frais, lavable. Amusant, quoi. Brusquement, l'écroulement, n'est-ce pas? Dites donc, je peux m'en aller, si vous voulez. Non, non, vous ne formalisez pas, petite madame. Je vous redirai tout mot pour mot. Oui, pourquoi ne pas parler tout haut? Tel l'élixir d'amour, un secret ne se verse que dans une coquille à la fois, même s'il doit, par la suite, en faire déborder plusieurs. C'est Augustin. Augusta. Augusta, vous parlez de moi. Je serais curieuse de savoir, là. Pour le coup, celle-là, mon vieux, farineux, pustuleux, scrofuleux. Non, à moi, maintenant, vite, allons. Daignez m'en prêter une. Augusta. Et moi, j'ai gagné le Tour de France, alors. Ah. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit tellement. Oh, j'y songe. J'avais trouvé ce mouchoir dans le linge l'autre samedi. Ça, j'aurais juré qu'il venait du dehors. Les blanchisseuses se trompent quelquefois. Oh, permettez que de mes lèvres, je touche cette couronne brodée sur le lino. Non, non, je me suis démaquillée avec, vous allez vous en fourrer partout. Moi, je n'en rougirai pas loin de là. Récapitulons. Oh, oui. Depuis 2 mois, vous avez à votre service, en qualité de bonne, inutile de vous embarquer dans les métaphores à la mode, gouvernante à tout faire, jardinière d'appartement, monitrice culinaire. En qualité de bonne, donc, Son Altesse, Augusta Honorine Stéphanie de Cornembourg la Merlingue, princesse héritière du royaume auquel j'appartiens, marquise de la Moselle, cousine de Napoléon, baronne du pape et prétendante pétrolifère en Roumanie. Oh, oh. Eh, la princesse notre bonne. Elle est bonne, hein? elle est bien bonne. Quand je pense que vous la tarabustez tous les matins, la malheureuse pour vos chaussures, sous prétexte qu'on va passer la brosse avant la peau de chamois. Ah bah vous pouvez parler, vous, à midi. Vous avez besoin de lui faire observer qu'il vaut mieux piquer le boudin à la fourchette avant de le mettre dans la poêle, plutôt que de le fondre par le milieu dans le sens de la longueur. Habitude culinaire de nos cantons du bord de la mer. Ah, oui. Les vieilles de mon pays crachent dans la fonte pour qu'ils bavent. Oh non, c'est... Mais comment... Oui, comment la princesse en arriva-t-elle à se placer ici chez vous comme servante? Oui. Longue, longue, longue histoire qui, cependant, tient en quelques notes de musique. Votre cantique national, arrêtez par pitié! Le subir un jet continu me donne des crises de foi. Ainsi, vous comprendrez mieux que personne que la princesse en avait. Marre, allez-y. C'était obsédant, c'était implacable, qu'il fallait encaisser à toute heure du jour, même si ça tombe la nuit. Non seulement dans les châteaux, palais, kiosques royaux, mais à l'opéra, sur les champs de course, au water, au sport d'hiver. À tel point, messieurs, que je m'écraserais la tête entre les mains. Madame! Enfin, Monique! Si j'étais moi, cette princesse, alors me partageant à douter s'il s'agit d'un ramage extérieur ou de l'intime tonnerre de mon sang, de ce sang où Charles Quint se mélange à Marie de Bourgogne, sous réserve de ce qu'on peut y trouver par-dessus le marché, comme Saxe, Orange, Bourbon, Champagne, Cumel, et même Orléans, la maison d'Orléans. Au comble de l'énervement, ma royale princesse s'en alla, et va dans les provinces françaises pour se cacher, se terrer. C'est ainsi qu'elle termina chez vous à Orléans. Mais le roi, qu'est-ce qu'il a dit, votre roi, quand il s'est aperçu qu'elle avait mis les voiles? Oh, le roi, il ne se formalisa pas outre mesure. Ah bon? Même au cours d'un conseil privé, ce monarque, ce souverain moderne et social, se plut à déclarer que les personnes régnantes ne sauraient que tirer le plus grand profit d'un contact sincère avec le populo. Ah, ah, oui. Mais, toutefois, pour éviter les commérages, nous répondîmes que la princesse était en Afrique en train de chasser le lézard et le chimpanzé. Oui. Mais nous n'avons jamais cessé de savoir ce que fait la princesse, comment elle va, où elle vit. Mais comment rattraper la princesse Comment dans le creux de sa race, la ramener sans la brusquer. Mm. De concert avec votre gouvernement, fut organisée la rencontre d'aujourd'hui. Ah. Dans un quart d'heure, la princesse est reçue en grand tralala par votre ministre du Trésor, l'archevêque, le général commandant la place et l'obéissant préfet. Devant votre porte attend un carrosse automobile aux armes de la monarchie. La princesse y prendra place. La princesse est supposée arriver par la route incognito. Ta. Ah oui, ou plutôt incognita. Oui, enfin, ta. Et, donc, je me transporte à l'instant en qualité de messager plénipotentiaire auprès de sa grâce pour l'inviter d'ordre du roi, son père et son souverain à faire son devoir. Elle est à la cuisine, naturellement. Je connais le chemin. Pas tant longtemps, j'ai débouché l'évier. Les ministres des Finances des deux États contractants, entourés des membres du corps diplomatique et de nombreux gradés des compagnies de sécurité, se range sur le perron de l'hôtel de ville. La façade remue de drapeaux accouplés. Le violet de l'archevêque met en valeur les broderies du capitaine de gendarmerie. Catastrophe ! Catastrophe ! Seule une catastrophe planétaire pourrait pomper cette honte, cette horreur, cette flotte ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'a-t-elle dit ? Vite, je boue ! Elle ne marche pas ! D'un bout d'un embruit qu'elle a... Oui, je n'ai plus qu'à me faire sauter le caisson. Mais non... Elle ne me laissa pas aller jusqu'au bout de mon propos. Allez-vous-en, fichez-moi la paix, j'ai ma soupe à penser. Furieuse, comme j'insistais, elle me coiffa de ce truc-là. Allô, oui. Ah, bonjour, mon cher colonel. C'est le commandant, oui, qui m'appelle du tabac d'à côté. Allô, oui, non, mais, non, excuse-moi. Elle refuse. Oui, elle refuse. Non, non, non. Elle, dans la cuisine, elle se barricada. Non, non, barricada. Barricada. Da, da, oui, da. Net, net, net. Oui. Ah, allez, les conséquences les plus graves, si vous croyez que je l'ignore. Oui, comment que je me débrouille? Ah, mais je voudrais vous y voir. C'est... Comment? Oui, ils sont très, très bien. Oui, elle principalement. Oui. Vous. Moi. Vous. Il n'y a que vous qui puissiez me tuer de là. Pouviez, on dit. Enfin, pouviez ou puissiez. Pouviez. Bon, n'importe. Non, non, non. Je vous en supplie. Mais lâchez-moi, qu'est-ce qui lui prend? Enfin, qu'est-ce qui lui prend? Âge. Visage, balcon, perron, tout se prête, tout concorde. Moment, moment. Non, mais où voulez-vous en venir, là? Là, mademoiselle fera la princesse. Fera la princesse? Oui, elle jouera le rôle de la princesse. Non! Et ne vous, ne discutez pas, je vous décore. Oh, oh, de la schizophrénie. J'appelle ça de la schizophrénie. Hein? Mais qui donc? Qui donc s'avisera que cette exquise jument n'est pas la princesse? Dès lors! Qu'au crépitant orgueil de sa crinière juvénile, j'annexe la splendeur garantie de ce diadème en goldium incrusté de pierres roses. 14. 14? Et de perles fines, 32. 32? Oh, ça me sied. Ah ben vous dites... Je vous demande si ça me sied. C'est ça. Ah, ça va. Oh, oh, oh. Une ivrognesse de Mardi Gras. Montrez-vous dehors dans cette tenue, vous avez tous les chiens après vous. Puisqu'elle goûte les bijoux, ça... Elle, qui ça? Eh bien, vous. Moi? Votre Excellence. Ah. Elle devra constater que des diamonds, parfaitement, des diamonds alourdissent les bords du manteau de Royal Big Trafalgar Coutuzzo. Pit, pit! 2800 diamonds sués dans l'enfer par des mineurs noirs. À 2800. Oh, mon enfant, Monique. Taisez-vous, vous m'empêchez d'admirer. Oh. Sous l'abondante ampleur de Sa Majesté sacerdotale, le manteau de cour, vêtement intégral, le manteau de cour escamote dans une reine la femme. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais à la reine. À la femme, reine ou non, la robe, cascade que promènent les jambes de la nymphe, étroite parenthèse, isolant la merveille, la robe ajoute une reine. La robe de la princesse vous ira comme elle irait à la princesse si cette robe eût été commandée pour vous. En d'autres termes, vous avez la même carrosserie. Comment ça, comment tient? Vous me demandez comment elle tient. Quand, face au désir des hommes, vous naviguez vent debout, le désir des hommes la plaque contre vous, et de ce qu'il émeut les clous de girofle de votre poitrine, ce désir parachève le mystérieux accrochage de l'étoffe, que laisse d'autre part quelques colifichets tintants. Mais enfin, Monique, ne vous laissez pas embobiner. Oh, fichez-moi la paix. Oh, jamais j'aurais cru que j'aurais... Je ne dis pas mis, mais vu, rien que vu, quelque chose d'aussi beau. C'est là le devant? Oui, non, ça c'est le dos. Ah. Enfin, Monique, vous n'avez pas 15 ans, enfin. Provincial. Allez! Mais ce décolleté, dis, tu vas jusqu'où? Mais j'en ai le vertige, moi. Oh. Il atteint à coup sûr le centre de la Terre. Allez, enlevez tout ça. Ah non, ah non, ah non! Alors là, vous allez trop loin, non? Mais ne vous formalisez pas, nous ne voyons rien, je suis devant. Mais bah précisément, précisément. Oh. En tant que maître de la garde-robe, j'habille et je déshabille la Royal Family de plein droit. Allô, oui, colonel? C'est le commandant. Oui. Allô? Oui, oui. La princesse est rendue à mes raisons. Oui. Oui, elle accepte. Oui. Tout est arrangé. Tout va comme sur des roues. Oui. Piat cliné minutas? Ah, cliné cliné minutas. Oui. Piat. Nous descendons. Oh, alors les bas, je garde les miens? Oui. Les bas collent, la robe colle. Tout colle. Oh, Monique, ma petite Monique, vous m'épouvantez, hein? Oh, ben, l'histoire du monde doit continuer, même si cet idiote fait la tête dans sa cuisine. Mais on découvrira la supercherie, forcément, le barouf, alors le scandale. Mais ne restez pas des poitriers, mettez ça sur vous, allez. Oh, cette mèche, s'il vous plaît. Merci. Mais vous persistez, vous mettez bon sang. Mais cette fille-là n'est pas... Mais n'est pas quoi? Oui, alors je ne suis pas quoi, hein? Rêver, hein? Alors on croit rêver, hein? Rêver. Rêver, ne pas rêver, la différence, où donc? Vous êtes prêts? Oui, oui. Nous y allons! Ah, mon Dieu! J'oubliais l'indispensable! Oh, ben oui, alors la robe, hein, la robe! Mais non, le discours! Comment? Le discours, par Jupiter! Le discours! Un petit exercice sonore, par faveur. Voilà, allez. Rien ne pouvait... Rien ne pouvait davantage me convenir, voilà, que d'avoir à représenter mon auguste père à cette cérémonie, qui, en dépit du caractère aride, économique et douanier de son objet, n'en vise pas moins à rapprocher nos deux contrées que ne séparèrent jamais que des mésententes cordiales. L'accord qu'ont élaboré nos experts constitue un véritable tunnel. Par ce tunnel, dans un sens comme dans l'autre, se précipitent dorénavant des vagues de confiance et de sympathie. Oh, bravo! Elle a la voix de ses cuisses, d'une finesse, d'une légèreté, d'une fraîcheur. Encouragée par vos applaudissements, je vais m'ouvrir à vous tous, mes amis. Oh, sans doute dans la princesse que je suis, certains déplorent la survivance physique et visible d'un passé que les idées libérales détruisirent petit à petit, hein, aussi. Oh. D'autres me plaignent, n'est-ce pas? Une princesse pour eux, languie, sous une carapace de contraintes, obligée d'être là, payant de sa personne. La princesse paiera à chaque fois qu'on lance un croiseur. Or, une princesse n'est pas plus une momie qu'une victime, non. Je dirais même qu'elle n'est pas une princesse, forcément. Les trompettes, quick, pronto, schnell, il n'est que temps, que temps. Et la robe, alors, la robe? Vous la passerez dans la voiture. Comment ça, dans la voiture? Mais oui, toute la place qu'il faut. Une familiale avec jalousie, 40 mètres sur 7. Petite, vous êtes là? Oh! Oui, c'est moi, oui. C'est bien, moi, je rallie le bord plus tôt que prévu, hein. Beaucoup plus tôt. Bah, j'aurais pris ma voiture, tout serait passé normalement, seulement le capitaine de gendarmerie tenait qu'on s'embarque tous les quatre, plus les toutous, dans la 403 qu'il vient de se payer. Alors, une voiture neuve, ça vous transporte les premiers jours. Et au dernier moment, cet animal refuse de démarrer. Bah, avec tout ce raffut, il n'allait pas quitter Orléans, hein. Alors nous sommes entassés dans la Dauphine du prof d'anglais. Résultat, deux pneus hors de combat dans l'affaire de 20 minutes. L'effet glapion. Ouais. C'est bien que nous avons dû rebrousser chemin. Bon, les pintades se massacreront sans nous. Bref, notre battue s'est déroulée dans un bistrot. Un petit bistrot qui n'est pas cochon du tout d'ailleurs. À l'entrée de l'Argentville, sur la départementale 63. Si bien que je vous rapporte des crevettes, là, bien au chaud. du bœuf bourguignon et du cervelas grillé sur un lit d'épinards. Pourquoi s'embarrasser d'un carnier quand on a son ventre, hein? Est-ce que une poire au four aussi. Dis, mais vous êtes là? Mais montrez-vous, bon sang! Monsieur, j'étais en train de... Ah bon? Ah oui. Oui, je vois. Oui, bah c'est dimanche, hein, le patron n'est pas là, les heures sont à vous. Quelqu'un vient vous voir, vous n'allez pas le recevoir dans la cuisine, hein? Alors pour commencer, vous lui montrez l'appartement, puis on ouvre la radio, on bouquine. Bref, rien n'interdit de se sentir heureux tous les deux dans le duvet, dans le douillet. Ah, puis naturellement, ils ont tripoté les appareils, hein? Vous, à force de vivre ici, vous finirez par attraper la médecine, hein? La médecine, moi, les malades m'en guériront. Bon, allez, faites-le sortir, votre ami. Ben quoi, ça vous embête? Oh, oh bon, j'y vais. Non. Oh. Ben, attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça, y a personne? Enfin, quand je suis rentré, vous étiez bien en train de parler, d'ailleurs, avec votre tête. Vous étiez donc seul? Oh non, j'étais pas seule. Ben, le type, alors, où est-il? Oh, mais c'est vous. Non. Ça, j'y suis. Oh là, asseyez-vous. Oh non, si, non. Si, aussi, si, asseyez-vous. Ah. Il a fait un temps superbe aujourd'hui, hein. C'est vrai, transparent. Un temps de diamant. À ce propos, ma petite, permettez-moi de vous dire que vous jouez gros jeu, hein. Il n'est pas normal, il est même 100% malsain. Que vous passiez toute seule ici votre dimanche à remâchouiller des morceaux de beignets de cervelle que vous pêchez au hasard dans des volumes qu'il ne convient d'aborder qu'en compagnie de quelqu'un de compétent, hein, les Glapion. C'est trop calé pour vous, ça, alors. Quelqu'un me conseille, quelqu'un me guide. Absent, présent, il ne me quitte jamais. Jamais. Ne bougez pas. Alors, si je comprends bien, dès que je tourne les talons, hein, la panthère me saute dessus, hein. C'est pas mon genre dramatisé, mais je tiens pourtant à m'expliquer franchement, à la bonne. Oh, excusez-moi, c'est involontaire. Non, j'apprécie infiniment votre zèle, votre dévouement. C'est vrai, vous êtes rapide, intelligente et comme physique très, très acceptable. Vraiment, vous trouvez? Oh, mais que vous songiez à vous caser et que vous misiez sur moi, je ne serais pas assez bête pour vous le reprocher. J'admets très volontiers que vous ne feriez pas plus mal qu'une autre... comme maîtresse de maison, seulement il ne faut pas trop m'en vouloir si je me tiens à carreau. Vous me lécheriez les genoux que je ne vous toucherais pas. Où ça conduit, je le sais trop. Alors je ne vous toucherai pas, même du dos de la main. Ben, ne faites pas cette binette là. Hein? Attendez, j'ai quand même quelque chose pour vous. Pour moi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Du Lactagil, un sédatif qui n'aboutit pas. Voilà, ce soir, deux comprimés pour vous décompresser. Non, que je doive me marier un jour, si nous considérons les catastrophes comme indispensables, ce ne sera qu'avec une entreprise de maçonnerie, une filature ou une fabrique d'automobiles. Maintenant, je vous préviens, si vous persistez à me fourrer dans votre micmac délirant, je me verrai contraint, non sans regret, je l'avoue, de renoncer à vos services. C'est clair? Bon. Alors, pour éviter que nous en arrivions là, le toubib ordonne à sa charmante servante de profiter de son dimanche désormais. N'insistez pas, je pars. Comment vous partez? Je pars pour toujours. Je regretterai certes cette place, pourquoi le cacher? Mais je vous estime trop. Et je ne méprise pas assez pour que se poursuivent nos rapports actuels. Mais vous êtes folle, mais je ne veux pas que vous partiez. Moi, je suis prêt... à vous augmenter. Tenez, fixez-vous même la somme. Oh non, n'insistez pas. Ma chérie adorable, chérie, ma jolie note bigarrée. Je veux maintenant que vous sachiez... Quoi, dites? Oh, dites. Que je suis heureux. Heureux? À cause de quoi? Mais de votre efficacité. Ne soyez pas modeste. La maison brille, tout est net. Vous êtes heureux, dites-vous. Votre servante vous en félicite. Moi, je ne sais pas le goût qu'il a, le bonheur. Ma parfaite amie, une servante, une domestique, vous. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Mais une intelligence, une serviabilité. Je pars. Mais vous m'imaginez seule ici, sans vous? Vous faites la part patronale, vous êtes tenue de la verser tout entière le dernier mois, même si je vous quitte avant le 31. Oh, elle est trop gentille. Et celle qui me succédera, qu'elle n'oublie pas de rendre à l'épicier les bouteilles vides, consignées. Je vous le rappelle, 40 francs. 40 francs. Curé, maire, notaire, aujourd'hui dimanche, tout est fermé. Demain, j'entame les démarches. Demain, il fera jour. Et tu seras ma femme. Répète. Tu seras ma femme. Oh, Monsieur Glapion. Oh, c'est à vous que je le dois. Oh, béni soyez. Tu es tenue qu'on se marie? Je préférais le contraire. Comment le contraire? J'aimerais mieux moi te le demander. Ah! Vas-y, demande-le-moi. Je te le demande. Si j'y tenais, comme à la racine de mes yeux. Pourtant, ce que tu m'as torturé, tu ne te décidais pas. Moi seule ici, je te voyais comme si tu étais près de moi. Non seulement je glapionnais, mais je glapionnais sur le glapionnage. Ce que j'ai pu t'en raconter. Je te cassais les pieds avec mes rêveries cliniques, princesse. Je te refabriquais de ne penser qu'à toi. Et toi? Moi, pareil. Je pensais à toi, vraiment. Une fille qui vous occupe et qui vaut à l'immensité. J'ai peur. Peur? Les amoureux, j'ai peur qu'ils n'écoutent chacun que leur musique à lui. Que sa musique à elle. Musique à elle. Musique à elle, là. Musique à elle, le titre napolitain d'une chanson. D'une chanson sur l'archange des solitudes. Oui. Pourquoi dis-tu oui? Je n'ai rien dit. Tu allais dire? Non, tu ne sais pas ce que j'allais dire. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu le sais bien. Oh oui. Oh oui. Oui. Des gorgerins, tu en as combien? Des gorgerins. Enfin, des soutiens à gorge, ce que ce mot peut me déplaire. Des soutiens à gorge, combien j'en ai? J'en ai un. Oh. Ah, sur toi, sans doute, mais dans tes armoires. Des tas. Nous gagnons assez pour que je me venge de la période où je ne possédais comme trousseau que l'épiderme de mes fesses. La lingerie féminine justifierait un chapitre particulier de l'anatomie générale. Je n'entends rien à ces instruments délicats. Certains se croisent dans le dos pour se dénouer par devant, et aujourd'hui je m'écrase les doigts sur un crochet. Ne blâme point de ce qui de dur et de rétif retarde ta main, qui va donner tant de douceur à la douceur de ma poitrine. Mais comment ça s'ouvre, bon sang? Débrouille-toi tout seul, mon Pascal adoré. Une fois pour toutes, j'ai Blaise pour prénom. Blaise, les lèvres s'amollissent. Pascal, au contraire, ça fait inventeur, ça fait géomètre, ça fait cerveau. Ça y est, j'ai trouvé. Tu vois? Ta nuque vibre sous mes ongles. Mais tes cheveux poussent trop bas. N'oublie pas de te faire tondre. Enferme-moi dans tes bras. Ta joue se creuse. Ta bouche en son dessin se purifie. Tes paupières se ferment lentement. De tes paupières sur ton visage descend une vague rose comme la mer à son extrémité le matin sur les plages de sable. Elle lave ton visage de tout ce dont la vie le marque forcément de médiocre et de banal. Dans la franchise de l'offrande, ton visage est celui de la déesse tout à coup précipice. Mon Dieu. Un arbre. Avec des branches et des feuilles, beaucoup de feuilles. Beaucoup. Et dans les feuilles, le bateau. Le navire. Doré. Blaise. Oh, Blaise. Capitaine, depuis ce matin, je revis cette journée. Enfin, nous la revivons. Oui. Vous allez rire, mais quelquefois pour de bon. Mais je crois y être encore. Vous prendrez bien un peu de fine, capitaine. De la fine et l'hygiène. En buvant, on devient buveur et la tête se ressent. Et moi, la tête, justement, c'est ce que j'ai de plus léger. Ah bon? Cette légèreté, d'ailleurs, cette fragilité, vous en portez en partie la responsabilité. Qui, moi? Ah oui, vous. Et vous aussi, petite madame, oh, vous aussi. Nous quittons tellement à vous, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Non, ça, je me rends bien compte qu'en me plaignant de vous autres deux, j'ai tout du sale pignouf, du grognon crasseux, du caillou du râleur. Mais il y a toujours un os en large, un poil de travers. Non. Ce chevreuil ressusciterait un guillotiné. Quant au homard, je m'en lèche encore les oreilles. Votre cordon bleu va-t-elle à côté des quins bleus? Non, il ne s'agit pas de cuisine. Bon, alors, dans ce cas, qu'est-ce qui ne passe pas? Eh bien, voilà. L'année dernière, ce dimanche... Ah non, écoutez, nous n'en sommes pas sortis de tout le repas. Oh, ah oui, mais permettez... Non, vous accrochez, là. Non, mais vous plaisantez. Écoutez, ce dimanche, ce fameux dimanche, une cliente a sonné. Je l'ai reçu 5 minutes. Oh, qu'est-ce que je raconte 2 minutes. Le temps de lui dire que le docteur était à la chasse. Mais personne d'autre n'est venu. Réfléchissez. Non, mais c'est un interrogatoire, hein, ma parole. Non, je suis restée seule ici toute la journée. En attendant son retour. Attendez. Ah. Vous êtes venu. Moi? Quand cela serait, où serait le mal? Oh, bon, en principe, sacripant que vous tentiez votre chance. Rien ne s'y opposait. Monique n'était pas encore ma femme. Toutefois, vous deviez bien vous douter qu'un jour ou l'autre... Pardon, comment pouvais-je supposer que... Et après, vous êtes revenu déguisé en bandit? Déguisé en bandit, moi? Attention! Je ne suis que dans l'exercice de mes fonctions digestives. Vos paroles, autrement, pourraient vous coûter gros. Mais calmez-vous, mon vieux. Calmez-vous. Vous prétendez à 12 mois de distance trier les événements, hein? Mettre dans un sac ceux qui se sont produits, dans un autre sac ceux qui auraient voulu se produire. Vous entreprenez un sacré boulot, là, vous-même, à l'instant, vous aviez oublié. Alors, comment s'y reconnaîtrait-on quand chaque tête interprète et modifie à sa façon la comédie générale que tous ensemble nous jouons? D'ailleurs, cette comédie, n'allez pas la chercher de préférence du côté des singularités ou des bizarreries, non. Sa substance, c'est l'existence. Nous baignons dans l'effet glapion, nous flottons dans le grand glapionnage, glapionneur universel. Alors, mon brave capitaine, serrez-moi la main. Quant à toi, Monique, ma princesse pour la vie, en gage de ta présence fut-elle comme le reste en trompe-l'œil? Donne-moi un béco. Un béco de velours jusqu'à demain matin. Oh, oui, alors je comprends, hein. Je comprends, j'ai une bonne tête, quoi. Oui, ah oui? Oui, on se bijoute, on se bécote, moi, présent. Et on voudrait que je reste là, impuissant. Mais alors, si vous le permettez, je vais rentrer chez moi. Oh, oh. Ben non, vous n'allez pas nous quitter, capitaine. Je vais glapillonner, moi aussi. Quoi? Je vais glapillonner.